Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur NextGenAuto. On est ravis, mais vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Grand Prix. Autant vous dire que Le Mans n'est plus étanche depuis hier, vers approximativement 16h32 à peu près. Hein, bien évidemment, incroyable podium de Fernando Alonso, mais on ne parlera pas que de ça. Voilà, j'en suis désolé, mais que voulez-vous, mes comparses ici présents ont quand même eu la bonne idée de dire qu'il faudrait quand même un programme assez équilibré. Donc nous vous parlerons de tous les pilotes qui ont participé à ce Grand Prix du Qatar, remporté par Lewis Hamilton devant Max Verstappen. La lutte pour le titre qui continue, il n'y a plus que 8 points d'écart entre les deux pilotes maintenant au niveau du championnat du monde, et il ne reste plus que 2 courses. Donc ça y est, on est enfin arrivé. Il aurait quand même fallu attendre le 21 novembre pour qu'on vous dise Max Verstappen peut être champion du monde, si. Mais ça, ce sera dans un petit peu moins de 2 semaines du côté de Jeddah qu'on verra tout cela, et peut-être que ce ne sera pas le cas, bien évidemment, et peut-être que tout cela se jouera du côté d'Abu Dhabi. À mes côtés, comme d'habitude, l'ami Manu, comment ça va? Écoute, ça va, ma foi, c'était un week-end fort intéressant, un petit peu longué encore une fois, hein, pour la deuxième fois de suite. On a eu une grille de départ qui s'est dessinée tardivement, très tardivement ce coup-ci. Mais finalement, il y a un beau week-end au Qatar, et puis le circuit de Jeddah, de Loza, il a été plutôt sympa, donc pas mal de choses à dire encore une fois. Ça, on va le clipper si à la fin du week-end en Arabie Saoudite, tu dis « Ah, le circuit de Jeddah était plutôt sympa, c'était chouette, c'était… » Ah, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Un peu quand même, on n'est pas complètement à l'abri, mais on est un petit peu, quoi. Mais il ne faut pas être méchant d'entrée de jeu, on ne sait jamais, on verra comment ça se passera. Franck est également avec nous, comment ça va? Bah écoutez, bonsoir tout le monde, écoutez, ça va très bien, encore un week-end effectivement très animé en piste et hors piste. Beaucoup de choses à dire sur cette course, effectivement, qui a tenu pas mal de ses promesses, peut-être un peu plus que ce qu'on espérait. On imaginait des Formule 1 qui auraient du mal un peu à se dépasser ou une procession et tout, mais finalement on a quand même eu un Grand Prix un petit peu animé, des stratégies différentes, pas mal de choses à dire effectivement sur cette course et sur ce qui s'est passé à côté. Dans le chat, on a Nico NTS qui vous demande, y a-t-il une raison au fait que la FIA est attendue le dimanche pour investiguer les tours sous drapeau jaune? Apéro? Oui, c'est ça, il y avait apéro le soir. C'est ça. Moi, je pense malheureusement qu'ils ont attendu que la vidéo tourne sur Internet et que ça commence à en parler sur les réseaux sociaux pour dire finalement, il faut peut-être qu'on enquête. Sauf que vu que c'était le soir, il n'y avait plus personne sur le circuit. Je vois que ça, parce que sinon, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait 3 ou 4 heures de délai pour un problème sous drapeau jaune. Il n'y a pas de raison. Oh, j'imagine les commissaires au bar de l'hôtel en train de siroter un Virgin Mojito qui font « Eh, attends, parce qu'il y a des vidéos là qui tournent. » On va peut-être regarder. Bah, demain. Vous avez vu ce qu'il a fait, Verstappen? Il n'a pas ralenti, c'est un scandale. C'est incroyable. Attention, vous allez vous faire convoquer. Hein. Oui, ah bah on va. Ouais, non, mais le Grand Prix sera under investigation, bien évidemment, mais ça va. Ce sera décidé dans 5-6 mois. On attend, bien évidemment. Et puis l'ami Paul aussi qui est là, comment va-t-il? Salut Michael, salut à tous. Bah, ça va très très bien. Bah, pour une fois qu'on n'a pas eu de suspense pour la victoire, on a au moins eu du suspense pour le podium. Donc c'est vraiment une année quand même formidable. Et puis pour le coup, on le dit à chaque émission, mais là, ça se rapproche. Là, les enseignements commencent à arriver. Il y a une tendance qui se dessine et bah, d'en parler avec vous. Ouais, je pense qu'on en est à peu près à la 8e tendance depuis le début de la saison. Et à chaque fois, elle se brise un moment. Comment ça va se passer sur les 2 derniers Grands Prix de la saison? Il faudra encore attendre un petit peu. Il faudra attendre le mois de décembre, hein, avant de le savoir, évidemment, puisque les 2 derniers Grands Prix auront lieu au mois de décembre du côté de l'Arabie Saoudite et du côté d'Abu Dhabi. Mais on va donc commencer, bien évidemment, par revenir sur ce Grand Prix du Qatar. Première fois, bien évidemment, que le Qatar accueillait le championnat du monde de Formule 1. Avant de parler du Grand Prix en lui-même, qui n'était pas forcément la meilleure course de la saison. Un petit avis, messieurs, sur le circuit, parce qu'en qualif, on a quand même vu une piste extraordinairement rapide, un circuit quasiment fait pour les qualifications. T'en as pensé quoi, toi, Franck, de cette première à Losail? Alors moi, j'ai été d'autant plus agréablement surpris que je ne connaissais pas forcément le circuit de la moto, parce que je ne suis pas à la moto depuis de nombreuses années. Voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on doit suivre, parce que sinon, il faut se ménager un petit peu de temps à côté. Donc c'est vrai que Losail, moi, je l'avais pas vu depuis très très longtemps, donc j'avais pas forcément d'a priori aussi bien positif que négatif comme vous pouvez en avoir sur la moto, en moto. Oui, effectivement, c'était plutôt positif pour moi, un bon flow, voilà, un bon rythme pour les voitures. C'était quelque chose d'assez sympathique sous le passage premier, deuxième, troisième virage qui est assez sympathique, je pense, pour les pilotes, avec plusieurs trajectoires possibles. Du coup, en Formule 1, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que soit on cherchait à élargir la trajectoire, soit à la resserrer. Donc c'est vrai que ça a permis effectivement d'avoir quelques dépassements à cet endroit-là. Ensuite, voilà, dernière partie qui est extrêmement rapide. Voilà, je pense que les pilotes se sont vraiment amusés là-dessus. Je pense que le seul point Alors négatif, mais je pense qu'il n'était pas anticipé, c'est les vibreurs qui étaient vraiment extrêmement agressifs en sortie de virage, qui ont fait mal à pas mal de pièces, autant suspension que aileron avant, et peut-être même les pneus, les crevaisons en l'air pneumatique en course, c'était peut-être dû à ça aussi. Donc voilà, mais c'est bien, ça fait des limites de piste assez dures à respecter, donc peut-être trop dures pour les F1, un peu de casse, mais. Non, sinon, plutôt agréablement surpris par ce circuit pour la F1 qui a donné quand même une course quand même qui est plutôt sympathique, parce que ça a quand même un petit peu dépassé. Enfin, l'effet DRS était un petit peu trop puissant, à mon avis. Manu, après avoir fini, t'as corrigé, bien évidemment. Non, moi, c'est pareil que Franck, je trouvais le DRS un peu trop puissant en course. Par contre, le circuit lui-même était assez incroyable pour les F1. On a vu des vitesses de passage qui étaient vraiment phénoménales, notamment dans le triple droite qui était dans le dernier secteur où il y avait. Les voitures qui passaient à 270 km/h, donc c'était vraiment impressionnant. Effectivement, un circuit vraiment très très dur avec les pneus, très dur avec les voitures. On a quand même vu deux casses de châssis sur des vibreurs, ce qui est assez rare, voire quasiment ça n'arrive jamais. On a vu la McLaren de Norris se désactiver littéralement au passage sur un vibreur. On a vu des fonds plats et des ailerons cassés. Donc c'est vrai que c'était un circuit qui finalement, on avait peur que ce soit un peu une autoroute. Et au final, c'est un circuit qui s'avérait hyper piégeux pour les pilotes et les voitures. C'était vraiment intéressant. Après, c'est sûr que la course, ça a été trop facile en ligne droite, mais ça a quand même donné quelques jolies luttes dans les virages 1 et 2. Et puis, globalement, c'est vrai que tous les on-board étaient assez, assez incroyables à voir. Moi, le tour de la pole d'Hamilton en caméra embarquée, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est quelque chose à voir parce que vraiment, ça va très, très vite et c'est hyper impressionnant. Le frère qui me demande, tiens Manu, chemise à carreaux, est-ce qu'on a une émission de folie? Toutes les émissions sont évidemment folles, évidemment. Dans Grand Prix. Bien entendu. Mais ça, voilà, ça aussi, si vous regardez Canal+, c'est-à-dire que c'est un théorème qui perd en intensité, puisque cette année, Jacques Villeneuve s'est dit, allez, mettre une chemise à carreaux à chaque course. Elles vont toutes être folles, vous allez voir, ça va marcher. Bon, ça va être plus compliqué. Paul, toi, ton avis sur ce circuit qatari? Alors moi, pour le coup, j'avoue que je ne connaissais pas le circuit. Je n'avais pas vu, sinon depuis très longtemps, une course disputée dans quelques catégories que ce soit. J'avais un peu d'appréhension, comme tout le monde, que le fait qu'il y ait essentiellement des virages, ça empêche un peu les voitures de se suivre les unes les autres. Et du coup, de ne pas parvenir à arriver en ligne droite et pouvoir tenter les dépassements, bah, finalement, ça a été le contraire, tant mieux. Je suis d'accord, le DRS peut être un peu trop fort. Dès qu'on voit des voitures se dépasser avant le freinage, de toute façon, c'est que le DRS est a priori trop fort, mais au moins on n'a pas eu une course, une simple procession de voitures qui se suivent les unes les autres. Il y a quand même eu des tactiques, il y a quand même eu des dépassements, et on l'a répété ici plusieurs fois, hein, il n'y a pas non plus besoin de course à 150 dépassements pour que ce soit intéressant. Là voilà, on a eu une victoire qui s'est dessinée très tôt, les deux premières places se sont dessinées très tôt, mais on a eu une lutte passionnante derrière, et c'est aussi dû en raison des caractéristiques du circuit. Et en plus, bah, de la bouche de tous les pilotes, pratiquement, c'était un vrai plaisir à piloter. Donc, à revoir en 2023, si on a une course aussi intéressante que celle-ci. Et si ça a lieu là-bas, hein, parce que c'est vrai que le Qatar, donc on rappelle, va faire l'impasse en 2022, puisqu'ils ont une Coupe du Monde de football à organiser. On l'a d'ailleurs eu, hein, la Coupe du Monde qui était sur la grille de départ avec le trophée du champion du monde de Formule 1. Ça doit être la première fois d'ailleurs qu'on a le trophée du champion du monde qui n'est pas à la, enfin qui est mis autre part qu'à la remise des prix FIA de fin d'année, parce que c'est rare, hein, justement qu'on mette ça en avant. Donc ça faisait plaisir. Donc une impasse en 2022, puis en 2023 le Grand Prix du Qatar reviendra pour 9 autres éditions, mais est-ce que ce sera sur le circuit de Losail ou est-ce que ce sera un magnifique circuit en ville à Doha? Sur la corniche, on peut imaginer. Hein, d'ailleurs, ça se trouve, c'est ça en fait. Dans 2 semaines, vous allez voir, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est pour tester la faisabilité des circuits sur des corniches. Puis ensuite, il n'y aura que ça. D'ailleurs, corniche de Spa-Francorchamps. Ce serait bien qu'il lui laisse au moins une chance avec le nouveau règlement, parce qu'il n'est pas dépourvu d'intérêt, le circuit. Et je pense qu'avec des monoplaces, comme on nous promet en tout cas, qui pourraient plus se suivre et mieux se dépasser, ça pourrait vraiment donner quelque chose, parce que si le DRS finalement leur permet d'être au même niveau ou l'une derrière l'autre dans les premiers virages, je pense que ça peut vraiment donner de belles images. On a déjà vu hier qu'avec ces voitures-là, ça peut. Donc, je pense qu'ils auraient tout intérêt à laisser au moins 2 ou 3 éditions à Losail, quitte après effectivement à faire un Grand Prix urbain si vraiment ça devient la tendance partout, quoi. En fait, le petit souci que j'ai avec ce circuit, mais qui est très petit, vous allez voir, c'est qu'en fait, oui, c'est un défi physique, parce que bon, bah, les mecs, pendant 1h30, ils ont encaissé des virages à 260 à l'heure, et on les a vus quand même assez épuisés à la fin de la course, notamment Max Verstappen qui était sorti de là. On a l'impression qu'il était passé à la lessiveuse, ce qui a permis à Lewis Hamilton de dire non, mais moi je suis en super forme, le jeu psychologique continue bien évidemment. Mais d'un autre côté, bah, c'était. Je trouve qu'il n'y avait pas non plus tant de défis que ça, parce que tu parlais du triple droite, Manu, effectivement, bah, il est pris à fond. intégralement, sans avoir l'air que ce soit très difficile pour les pilotes non plus. Enfin voilà, c'est ça qui est compliqué, mais d'un autre côté, bah, c'est aussi une preuve de l'avancée de la technologie et de l'aérodynamisme aujourd'hui, et voilà, ça va être compliqué en fait de créer une voiture qui ne serait pas capable de passer aussi bien ces courbes-là, donc effectivement, il faudra voir. C'était plus compliqué de trouver le setup que de piloter, je pense, une fois que les pilotes avaient le bon setup, mais c'est vrai que je pense quand même que les voitures sont tellement différentes l'an prochain, apparemment elles sont quand même un peu plus compliquées à conduire, enfin en tout cas en simulateur c'est un peu plus piégeux de ce qu'on comprend des premiers pilotes qui ont fait des retours, donc peut-être que ce genre de circuit gagnerait justement un intérêt au niveau pilotage sans perdre un intérêt au niveau spectacle, quoi. On l'espère, mais on verra bien sûr déjà si en 2023 on retourne sur ce circuit de Le Sail. Mais du coup, eh bien, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé. Une 102e victoire maintenant pour Lewis Hamilton. Il continue évidemment d'améliorer son propre record et c'est bien logique. Victoire qui, là, bah, n'a absolument pas souffert d'aucune contestation. Hein. À Interlagos, Paul y a dû s'employer pour remonter depuis la dernière place en qualif sprint, mais ici... Il a fait la pole, et puis bon, bah évidemment, quand on a Max Verstappen qui part 7e, c'est un peu plus facile. On a eu l'impression justement bah, qu'il a très très bien géré cette course, avec le moteur qui n'était pas l'un des derniers moteurs utilisés pour lui d'ailleurs. C'est ça, bah, on voit que quand il part en pole position, c'est une toute autre histoire. La tendance était là quand même tout le week-end, il a dominé tous les essais, en qualif, il colle 4e et demi à Verstappen et 6 à Bottas. Et au départ, comme tu l'as dit, ben, le fait que Verstappen parte plus loin, son adversaire direct était loin. Il avait entre guillemets qu'à passer le premier virage en tête. Et après, en théorie, c'était une nouvelle course sous le coude à la portière. C'est une nouvelle performance vraiment dominante. Et on peut se dire que c'est peut-être ce qu'on aurait vu à Interlagos sans les pénalités. C'est-à-dire que depuis deux courses, vraiment, Mercedes est redevenue cette machine qu'elle était l'année dernière, on a l'impression. Verstappen et Red Bull ont été sans réponse depuis deux courses. Et y a quand même une tendance qui se dessine. Et pour revenir à la course, ça a paru facile parce qu'en fait, il a tellement dominé tout le week-end, il a tellement fait ce qu'il fallait tout le temps, qu'encore une fois, il en avait sous la pédale. Et je pense que l'écart à l'arrivée aurait pu être bien plus grand. Bon, Verstappen s'est arrêté pour tenter de faire le meilleur tour, mais il y avait les Mercedes et les autres ce week-end, et Hamilton notamment. Voilà, puisqu'on en parlera plus tard, mais la deuxième Mercedes n'a pas fait aussi bien. Et voilà, mais une nouvelle démonstration de force. Et puis, l'air de rien, je disais moi-même, il y a une ou deux émissions que je ne voyais pas gagner les quatre dernières courses. Je suis peut-être en train de changer d'avis parce qu'il y a vraiment une tendance très, très forte quand même. Ouais, effectivement, il est parti pour tout. Manu sera redistribué, on peut l'imaginer à Jeddah, en fait. C'est ça qui risque d'être un peu compliqué. Hamilton a fait le boulot sur un circuit encore relativement normal et habituel, entre guillemets, pour les standards. Ouais, je pense que finalement ça va être le plus dangereux Jeddah parce que après Abu Dhabi, même s'ils connaissent pas le circuit, ça reste un tracé qu'ils connaissent globalement et sur un circuit plus normal, alors que Jeddah, ça promet d'être vraiment une course très particulière avec une piste qui sera finie depuis pas longtemps, donc il risque d'avoir des conditions d'adhérence qui seront très très bizarres. Et puis bah c'est un circuit urbain, donc même s'il y a beaucoup de dégagement pour un circuit urbain, ce qui est un peu improbable, il y aura aussi des murs, il y aura aussi des risques et surtout le moindre écart en course ne pardonnera pas. Donc je pense que ça va être vraiment là où il va falloir qu'il soit prudent. Et où finalement, celui qui va vouloir trop en faire en qualif ou trop en faire en course risque de tout perdre, ou en tout cas de se mettre dans une très mauvaise situation. Ouais. Franck, ton avis toi, sur cette épreuve de Lewis Hamilton, sur cette domination du week-end? Attention, il y a une mouche derrière. Le chat a trouvé une mouche. Pardon. Inattendu, je dirais. Je pensais que Verstappen et Red Bull répliqueraient après le Brésil. Et en fait, pas du tout. Sur un circuit qui devait un petit peu équilibrer les forces, parce que même Mercedes disait que c'était pas le circuit sur lequel ils seraient plus en confiance par rapport effectivement à Jeddah qui sera plus rapide et à Abu Dhabi qui connaissent bien. Et ils ont eux-mêmes été étonnés du niveau de performance de Lewis Hamilton. Ils disent encore aujourd'hui qu'ils savaient pas comment Hamilton avait été aussi rapide. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le critère pilote qu'ils ont mis en avant. C'est quand Hamilton a besoin de sortir une performance, il la sort. Et il a sorti tout le week-end. Genre. Donc là, il a été titillé par Verstappen, par Red Bull, lors de ses dernières courses. À Interlagos, ils ont réveillé le lion, comme on a dit. Et c'est exactement ça. C'est que là, on a vraiment, je pense, un paramètre pilote qui est en train de prendre l'ascendant, l'expérience de Lewis Hamilton, sa capacité effectivement à résister sur des épreuves comme ça de force mentale, parce qu'on parle plutôt de mental que de talent à ce niveau-là. Et voilà, il a réussi à sortir le week-end parfait et mettre voilà, donc, 4 dixièmes et demi à Verstappen, plus de 6 à son équipier. C'est quand même un écart assez phénoménal. Et il n'avait pas le nouveau moteur monté au Brésil. Il avait un ancien moteur derrière lui, donc ce qui laisse quand même présager des choses encore plus intéressantes peut-être à Jeddah. Maintenant, pour le championnat, c'est magnifique parce qu'on on a un resserrement aux deux championnats, aussi bien pilote que constructeur. Je veux dire, on n'a jamais vécu une saison aussi tendue que ça depuis très très longtemps. Et là, on arrive quasiment à égalité sur les deux dernières courses. Alors évidemment, il y a toujours des scénarios un peu improbables qui peuvent se réaliser sur une course et du coup faire basculer complètement l'avantage d'un côté ou de l'autre. Mais si ça reste comme ça avec des premières et deuxièmes places à jouer à toi, à moi, ça va se jouer à quelques points au final. Et c'est tout ce qu'on espère. Mais ouais, effectivement, gros avantage Hamilton là, qui m'a vraiment impressionné. Et Mercedes aussi, voilà, le retour dans le game. Voilà, en gros, on dit à Red Bull, voilà comment on fait. Quoi. J'avais une question à propos justement du moteur, parce que tu disais, Franck, qu'il n'avait pas le moteur du Brésil. Il va certainement le récupérer, hein, ça a déjà été un peu annoncé du côté de Jeddah et d'Abu Dhabi. Mais est-ce qu'il n'encourt pas une pénalité sur ces grilles-là non plus ? Parce que parce qu'il m'a semblé que justement la FIA avait mis en place un système pour éviter que les pilotes prennent par exemple 5 nouveaux moteurs en milieu de saison en prenant des pénalités et qu'ils se retrouvent avec un pool de 9 moteurs, enfin 8 ou 9 moteurs à la fin de l'année. Non, une fois qu'un moteur est écarté, voilà, normalement il n'y a pas de pool derrière, il pourra effectivement reprendre un de ses anciens moteurs sans aucun problème. Ils ont le droit de switcher une fois que la pénalité est prise, c'est bon. Par contre, si effectivement, en fait, le souci c'était sur le même week-end, en fait, c'est de pouvoir changer sur un même week-end. C'est que ça. Si tu changeais deux fois de moteur sur un même week-end, ton premier moteur du week-end il sortait du pool, il était plus du tout utilisable. C'est ça, effectivement, qui avait. Il permet effectivement de faire du stockage de moteurs. Donc, cette règle-là n'est plus d'actualité avec 3 moteurs, effectivement, par saison. Donc, non, il n'y a pas de souci de pénalité pour Lewis Hamilton de ce côté-là. D'accord, je le savais, bien évidemment. C'est la question pour. Au cas où les gens ne le sauraient pas, bien entendu, c'est entre spécialistes. C'était la règle qui avait fait que McLaren s'était pris 120 places de pénalité un week-end, je crois. C'est ça. Un record. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était c'est fantastique. C'est-à-dire que sur le Grand Prix, sur le Grand Prix d'Autriche, où il partait d'Allemagne. Enfin, c'était quand même, c'est quand même très sympathique. Bien évidemment, Hamilton qui s'impose devant Max Verstappen, qui nous fait un petit peu quand même une course à la Brésil pour Hamilton. Hein, c'est-à-dire qu'il se retrouve quand même avec une pénalité sur la grille, mais ça leur pour empêcher d'être très rapidement en deuxième position. Maintenant, Manu, voilà, on l'a sorti, pas pouvoir faire grand chose, même s'il y a eu les tentatives de meilleurs tours. Il y a eu à un moment donné ce petit rapproché qu'il a fait avant la dernière apparition de la voiture de sécurité virtuelle. Mais de toute façon, je pense que même lui savait qu'une fois que Hamilton avait creusé cet écart de 3-4 secondes au début, c'était plus compliqué. Bah, clairement, il perd sa capacité. Alors, je pense qu'il n'aurait pas pu se battre pour la victoire sur l'ensemble de la course, parce qu'Hamilton avait l'air quand même légèrement au-dessus. Ça m'a fait un peu le même effet que l'effet inverse du coup du Mexique, où Verstappen semblait de toute façon un peu au-dessus. Là, c'était Hamilton. Par contre, c'est vrai qu'il a perdu la possibilité de ne serait-ce que faire illusion à partir du moment où il a eu besoin de remonter dans le peloton dans les premiers tours. Alors, même s'il a effacé, on en parlait avec Franck, il a littéralement effacé sa pénalité en 5 tours, donc c'était rien. Mais sans neutralisation derrière et avec Hamilton qui vraiment tenait un rythme assez élevé devant et qui avait la capacité ensuite de gérer, on a vu que finalement, il n'y avait pas de possibilité pour lui d'aller chercher. Et peut-être que le fait de se retrouver à 7-8 secondes ou 5-6 secondes a fait que il n'a pas réussi justement à se mettre dans la roue comme il pourrait le faire quand ils sont tous les deux en tête et finalement à rester menaçant. Donc là, on a vu qu'il prenait régulièrement 3-4 dixièmes en fait pendant tout le premier relais. Et à partir du moment où Hamilton avait ses 8-9 secondes d'avance, il les a gérées et il a calqué sa stratégie. Enfin, Mercedes a calqué sa stratégie sur Verstappen parce que Hamilton voulait attendre pour s'arrêter, mais ça n'aurait eu aucun intérêt, en fait, puisque de toute façon, à partir du moment où il avait ses 10 secondes d'avance, il suffisait juste de faire la même stratégie, et il ressortait toujours avec au moins 7-8 secondes. Donc là-dessus, c'était vraiment logique, mais bien joué, parce qu'on a vu Mercedes paniquer un peu sur les stratégies récemment. Donc là, on voit qu'ils sont un peu dans le retour, justement, dans ce tour-là, à tout faire comme il faut, et du coup, on voit que derrière, Red Bull a un peu plus de mal à suivre. Alors Verstappen a fait une très belle course, mais malheureusement pour lui, je pense qu'il était un peu en retrait de ce qu'Hamilton faisait. À la fois, je pense qu'il était un peu moins à l'aise sur le circuit et à la fois, je pense que la Red Bull était un peu moins bonne, il y a un peu des deux. Mais voilà, on voit en qualif quand même que Hamilton fait vraiment un tour parfait. Verstappen est tellement sous pression qu'il fait l'erreur en qualif d'aller justement tenter ce tour en plus alors qu'il y a une voiture à l'arrêt sur la piste. Et donc voilà, on voit que malgré tout, bien quoi qu'il en dise, la pression est quand même là et ça va se jouer sur des petites erreurs comme ça, ça va se jouer sur des petites choses, une erreur dans un tour qui va donner un ou deux dixièmes en plus. C'est vrai que maintenant, ça se joue vraiment à ça pour le reste de la saison. Les deux dernières courses, et Là, ce week-end, c'est lui qui était un peu en retrait. Et finalement, dès le début de la course, il s'était un peu condamné à finir au maximum deuxième. Ouais, effectivement. Après, pour voir Verstappen en qualif, moi, je pense quand même que le pauvre n'a pas dû être aidé, tout comme Bottas et tout comme Sainz aussi, par le fait qu'on ait mis un drapeau jaune, puis qu'on a mis un drapeau vert, un drapeau jaune, un drapeau vert. Enfin, voilà, c'est quand même des éternuements au niveau de la direction de course qui font que c'est pas simple. Après, au moment où il va trop vite dans la zone, c'est sous drapeau jaune et il n'y a aucun doute là-dessus, bien évidemment. Ouais, en fait, le fait que nous, on ait vu drapeau jaune, drapeau vert, c'est parce que en fait, Gasly était encore en train de rouler et se franchissait les secteurs à chaque fois. Mmh. Du coup, c'était l'espèce de bug informatique, parce qu'il roulait très, très lentement et je pense que ça a peut-être fait un bug. Alors, ils n'ont rien eu sur leur dash, les pilotes, sur leur affichage de volant, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, je pense quand même que normalement, Red Bull aurait dû lui dire il y a une voiture à l'arrêt. De toute façon, il aurait dû. Après, c'est peut-être une faute aussi de Red Bull, mais ils auraient dû lui dire de ralentir. Quoi. En plus, Michael Massey a expliqué que chaque officiel dans chaque poste de commissaire a la responsabilité de savoir qu'est-ce qu'il faut brandir à un moment ou à un autre. Ce n'est pas la direction de course qui dit au poste 33, au poste 34, au poste 35, brandissez un drapeau jaune ou un double drapeau jaune. C'est les commissaires qui sont sur place qui jugent d'eux-mêmes la situation. Et l'arrivée du double drapeau jaune, elle est vraiment arrivée parce que voilà, Pierre Gasly était en train de s'arrêter sur la ligne droite des stands. Et à ce moment-là, effectivement, il était le commissaire en question qui a été hyper critiqué par Christian Horner, a décidé de mettre le double drapeau jaune à ce moment-là. Et voilà, c'est ce qui a fait que la pénalité de 3 places, sinon Verstappen aurait eu 3 places au lieu de 5 places, c'est décidé. Mais la direction de course sur ce coup-là n'a pas les capacités de réaction des commissaires qui sont en bord de piste. Ce sont eux qui sont maîtres de la décision et de savoir si c'est un drapeau jaune, un double drapeau jaune ou autre chose. Léonie qui vous demande mais qu'est-ce qui s'est passé avec Gasly ? Alors, on en parlera tout à l'heure de Pierre Gasly, mais c'est vrai que ce fut passablement compliqué, on va dire, pour le pilote français qui fêtait sa première qualification en première ligne. En course, c'était plus ça du tout, bien évidemment. Paul, voilà, sur Max Verstappen, bon, effectivement, peut-être un week-end un peu plus compliqué pour le Néerlandais, mais au moins, il marque les gros points et il reste en tête du championnat. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même là que les deux sont forts, c'est qu'un week-end compliqué, ça veut dire deuxième place. En théorie, on aurait pu penser à un doublé Mercedes ce week-end. Non, à chaque fois, Verstappen, il arrive à gravir ses points. C'est son sixième top 2 d'affilée, je crois. Donc, s'il ne gagne pas, il est deuxième en gros. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est fantastique pour le championnat. C'est que dans un week-end où on a une équipe qui est assez nettement plus forte que l'autre, ils finissent quand même l'un derrière l'autre à chaque fois. Que ce soit Verstappen qui domine ou Hamilton, l'autre est à chaque fois deuxième. C'est ce qui fait que le championnat est aussi serré. Moi, je n'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. Alors, bien sûr, il prend cette pénalité. C'est une faute de sa part. Il aurait dû ralentir en voyant les drapeaux jaunes, quelle que soit la raison. Maintenant, qu'il part deuxième ou septième sur cette course, finalement, je pense qu'il aurait terminé deuxième dans tous les cas. Donc, limitation des dégâts encore une fois. Et il a fait le travail puisqu'il a été deuxième sans aucun doute après 5 tours. Donc, et limite, sa pénalité lui a permis d'avoir un point en plus. Parce que s'il n'avait pas eu cette pénalité-là, et qu'il n'avait pas eu cet écart-là, oui, bon, il n'aurait pas pu tenter le meilleur tour. Il aurait du coup, été dans c'est la lutte. D'avoir un point en plus par rapport à Hamilton. C'est ce mais après, on rappelle que la course de Max Verstappen a quand même failli s'arrêter au deuxième virage, on va dire, parce qu'il y a eu une Alpine un petit peu agressive, peut-être, au départ, on ne sait pas trop. Légèrement, hein, c'est ça. Mais c'est formidable. C'est la formule à moderne. Alors attention, les gens vont me dire, mais enfin, tu as changé d'allégeance. Non, pas du tout, mais... À un moment donné, c'est que Fernando Alonso fait ça, tout le monde est là, tu vas dire, mais quel fighter, quel compétiteur, c'est un sacré castard, ce Fernando. Hein. Max Verstappen fait ça, on veut le pendre sur la place publique. Donc effectivement, c'est toujours un petit peu, voilà, un petit peu compliqué, ce genre de choses. Ah, mais c'est le contre-coup total de la non-décision qu'il y a eu à Interlagos. Absolument, ouais. Là maintenant, les pilotes se disent, voilà, maintenant, on y va, quoi. À partir du moment où on dit aux pilotes qu'ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent, bah voilà, c'est effectivement ce qui risque de se passer sur les prochains Grands Prix. L'avantage, c'est qu'à Jeddah, bon, que vous ayez envie de faire quelque chose ou pas, de toute façon, c'est la piste qui va le dicter. À Abu Dhabi, par contre, là, ça pourrait être un petit peu plus la foire, parce que, bon, il y aura des virages en banking, ce qui fait que c'est plus compliqué d'aller vraiment à l'extérieur du circuit pour passer. Mais voilà, ça risque d'être assez sympathique tout cela. On voit aussi que ça parle dans le chat de Pierre Gasly qui a laissé passer hein, Max Verstappen, ça crie au scandale, tout ça. Alors, d'ailleurs, moi, je vais donner le bénéfice du doute à AlphaTauri. Pour moi, à la radio, il dit simplement, tu peux le laisser passer parce que Gasly est dans une situation pas possible avec ses pneus et qu'ils font pas la même course. Mais même si c'était une consigne de la part d'AlphaTauri de dire tu laisses passer la Red Bull, c'est logique. Pourquoi ouais. Les gens sont choqués ? On est en 2021, l'équipe elle existe depuis 15 ans, AlphaTauri, enfin Toro Rosso puis AlphaTauri, on sait à quoi elle sert l'équipe. Je veux dire, c'est pas ça me choque pas. Si Gasly retient Verstappen ou même le sort, je veux dire, mais il est pas là à Jeddah. Hein. C'est ça. Un autre pilote dans la voiture. Hein. Ils le mettent même pas en F2. Il va mettre en F3 directement. Il revient l'an prochain. C'est toujours moins pire que, plus ou moins pire que Sauber qui devait laisser passer Ferrari fin des années 90, alors que c'était juste un partenariat moteur à l'époque. Donc c'est comme ça que la F1 fonctionne. Et après, pour mettre de toute façon le bénéfice du doute à AlphaTauri, effectivement, comme tu disais, Michael, les pneus de Gasly étaient dans un sale état. Il est parti en soft parce qu'en fait, l'objectif d'AlphaTauri, c'était de gagner des places au départ. Finalement, ils ont gagné avant le départ avec les pénalités. Et le seul qu'ils avaient à battre, c'était Hamilton. Donc c'était un peu plus. Enfin, la stratégie est un peu tombée à l'eau. Et en plus, les pneus se sont dégradés très, très vite. On a vu, c'était Tsunoda et Gasly ont été les premiers à s'arrêter. Et le rythme était catastrophique. Ça les a en plus mis dans une mauvaise situation parce que derrière, ils étaient en décalage. Ils ressortaient plus tôt. Ils ressortaient dans le trafic. Donc, en plus, il y a eu une erreur stratégique sur le deuxième relais puisqu'ils mettent les médiums alors qu'ils auraient pu tenter les hards justement pour se recaler pour le dernier relais. Et donc, voilà, ça a été compliqué. Et en fait, il faut bien se rendre compte que les pneus de Gasly étaient déjà à la limite et que s'il avait tenté de ne serait-ce que se défendre contre quelqu'un, il aurait totalement ruiné ses pneus. On l'a vu derrière, il perd ensuite deux places consécutivement après ça parce que justement, il est nulle part, il n'arrive pas à se battre. Et en fait, même quand il le peu qu'il essaye de rester devant Verstappen, de toute façon, il se sort et c'est comme ça que Verstappen passe. Donc, il n'y avait pas de solution pour lui, il n'avait pas de grippe, les pneus se détruisaient vraiment tour par tour. Donc, il n'y a pas eu de consigne spécifique et quand bien même il y en aurait eu, ce n'est pas le drame du siècle, quoi. Alors, effectivement, il ne met pas le DRS dans la ligne droite, alors qu'il avait, il y avait le droit. Mais simplement aussi, il vient de sortir de la piste, il veut simplement laisser passer Verstappen le plus possible parce que. On me dit dans le chat, voilà, c'est illégal, point final. Non, non. Ce qui serait illégal, c'est d'avoir quelqu'un de Red Bull qui va dire à AlphaTauri, oui. Vous dites à votre pilote de ne pas, de ne pas retenir Verstappen. Mais qui aujourd'hui peut avoir une preuve de ça? Qui peut venir dire, oui, bien Marco, Horner, Giampiero Lambiase, enfin n'importe qui de chez Red Bull est allé voir son homologue chez AlphaTauri et a dit, dites à Gasly de laisser passer. Il n'y a même pas besoin de le dire. C'est dit à un moment même le début de la saison. Oui, non, mais en plus, voilà, c'est de notoriété publique. C'est, mais c'est clair, c'est net. Quand on vient, parce que le débat, en fait, vient entre guillemets avec tout le monde qui dit oui, c'est illégal. Il n'y a pas d'illégalité, sachant qu'en plus, techniquement, comme vient de le dire Manu, il n'y a pas eu de consigne à la radio non plus. Tout ce qu'on lui dit, c'est de ne pas. Enfin, il peut laisser passer Verstappen parce qu'ils ne sont pas dans la même course. Et ça arrive, vous pouvez prendre 45 radios différentes sur toute la saison. Vous aurez là une Alpine qui, on dira, il y a une. Il y a une Aston derrière toi, mais laisse-la passer parce que on n'est pas dans la même course. Ça arrive tout le temps. Oui. L'argument « vous ne faites pas la même course », il est là très souvent. Et ça va autant dans une équipe. On l'a vu par exemple chez McLaren à Imola ou d'autres fois chez Mercedes ou Red Bull, où effectivement, des fois, il y a un adversaire qui passe parce qu'il est plus rapide. Mais on dit au pilote « ne te bats pas » justement parce que l'intérêt d'une stratégie, c'est de ne pas la ruiner en allant se défendre en fracassant les pneus ou en allant abîmer la voiture à l'extérieur ou quoi que ce soit. Il y a des fois, en fait, une course de F1, quoi qu'on en pense, ça vaut être 1h40, c'est pas un sprint. Et en fait, les pilotes et les équipes ont besoin de s'en tenir au plan. On voit bien Ferrari qui déroule des plans A, B, C, E, ils vont jusqu'à E ou F. Mais n'empêche que c'est bien parce que les équipes ont besoin que les pilotes s'en tiennent au plan. Et justement, s'en tenir au plan, des fois, ça veut dire on tente de faire 3 tours en plus pour être mieux plus tard. Et donc, du coup, ça, il faut admettre qu'il n'y a pas de bataille, quoi. Donc après, ça, on aime ou pas, mais c'est aussi ça, la F1. C'est pas juste, oh mon Dieu, il a laissé passer, c'est une consigne. Pas forcément. Et puis, encore une fois, quand bien même, il n'y a pas de consigne officielle, et quand bien même, si on lui dit juste de pas se battre, c'est déjà arrivé plein de fois cette année entre les pilotes Mercedes et Red Bull, et c'est pas la fin du monde, quoi. On me dit de respecter Ferrari, ils ont enfin de la régularité au stand. C'est vrai qu'ils ont fait un double arrière qui n'avait strictement aucune utilité, mais ils l'ont bien exécuté. Donc, parce que Sainz n'avait pas de radio, en fait. Quand il parlait, ça ne s'entendait pas et tout ça. Et du coup, il est rentré sans devoir rentrer. Donc. Oui, c'était Wally quand même, à un moment donné, à la radio. Entendait, mais ça ne ressemblait plus à grand-chose, très, très clairement, à la radio avec Carlos Sainz. Bon, tu parlais de plan. El Plan a été maintenant mis jusqu'à la bonne utilisation. Ça y est, mesdames et messieurs, Fernando. C'est de la vraie foi. Qu'est-ce que c'est? Il a eu la foi. Voilà, déjà ce Grand Prix évidemment a une note de 19,8 sur 20, bien entendu. ça aurait été 19,9 s'il finissait deuxième et 20 s'il avait gagné. Bien entendu. Le 98e podium de Fernando Alonso, le premier depuis 2014. Et puis, bon, quand même, il est allé chercher, ne serait-ce qu'au départ. Parce que ça, je mets au défi quiconque de dire que l'extérieur sur Pierre Gasly au deuxième virage n'est pas magnifique. Sublime. Surtout le faire dans une Formule 1 où maintenant dépasser l'extérieur est interdit, bien évidemment. On fait beaucoup trop. depuis le Brésil. Non, mais voilà, très, très jolie course de Fernando Alonso, qui termine donc troisième, Franck. Et voilà, ça, a été, ça fait du bien aussi pour Alpine, ouais, parce qu'ils ont fait très jolie course d'Alpine en général. Hein, voilà, Alonso troisième et Ocon cinquième, on en parle tous les deux en même temps. Avec le premier podium de Fernando depuis 7 ans maintenant. L'année était avec Ferrari, donc effectivement, ça lui a remis des petits souvenirs. Alors Hamilton, à ses côtés sur le podium, il avait déjà vécu, Verstappen pas encore. Donc voilà, c'était une petite nouveauté pour lui, mais à côté de deux champions du monde, ça faisait vraiment plaisir à voir. Il était très heureux, il a fait une course maîtrisée de A à Z, voilà, du plan A au plan Z. Il n'y a pas eu un seul souci. Alors, ce qui est encore une fois incroyable, c'est qu'on se demande pourquoi l'Alpine, et même chez eux, même eux se demandent pourquoi l'Alpine, ce week-end, elle a survolé les débats par rapport à ce qu'ils s'attendaient. Voilà, c'est que des essais libres de la qualification en course, elle a été absolument splendide cette voiture, sans aucune évolution particulière. Voilà, est-ce qu'ils ont touché du doigt un réglage? Alors, je pense plutôt une philosophie de voiture, puisque effectivement les deux voitures étaient dans le coup. Et voilà, et c'était aussi bien très rapide en qualification qu'en course, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Hein, voilà. Pierre Gasly était très rapide en qualification, mais s'est écroulé en course. Pour Alpine, ça a été magnifique du début à la fin du week-end. Et donc voilà, grand prix extrêmement bien maîtrisé de la part de Fernando Alonso. Un seul arrêt aussi, voilà, c'est à noter. C'était pas évident de faire un seul arrêt. Pirelli avait vraiment déconseillé ces stratégies-là parce que voilà, les pneus normalement n'étaient pas censés tenir un seul arrêt facilement. Ça pouvait le faire en les économisant un petit peu, mais voilà, Fernando Alonso, je pense qu'il avait un réglage de voiture qui a permis que les pneus étaient, d'ailleurs, c'est ce qu'il l'a dit, les pneus étaient très très peu usés par rapport aux autres, donc ce qui lui a permis effectivement d'aller un petit peu plus vite, je pense, sur l'ensemble de la course. Mais voilà, un très très bon départ, une super course, un très beau podium. Je veux dire, moi je suis ravi pour lui. Voilà, et ça. Je ne vais pas dire que ça le venge un petit peu de la victoire d'Ocon en Hongrie, mais bah, ça remet un petit peu les choses à égalité entre les deux pilotes. Mais si ce n'est pas une victoire, ça a quand même le goût d'une victoire presque pour Alpine, effectivement. Chacun des deux pilotes sur le podium, on voit un duo très équilibré. Voilà, maintenant, on a tous intérêt en tant que Français, même si on est tous neutres, mais on est tous un petit peu chauvin, un petit peu cocorico dans l'âme. Donc on espère vraiment que l'Alpine de l'année prochaine soit vraiment réussie. Bon, effectivement, les voir se battre plus souvent pour ce genre de résultat. Mais voilà, donc maîtrise totale, on l'a senti extrêmement serein, extrêmement calme. Voilà, la Alonso de la grande époque. Voilà. Et puis le petit coup de rétro dans l'Hongrie en demandant à Esteban de jouer son rôle de pour retenir la Red Bull de Perez. Bon, Esteban n'a pas pu faire grand chose pendant très longtemps, mais juste ce qu'il faut sur un tour pour éviter que Perez aille chercher Alonso dans le dernier tour. Parce qu'il a fini avec 2 secondes 8 d'avance, je crois. Il avait 5 secondes d'avance avant le début du dernier tour, donc c'est vraiment, ça ne jouait pas grand-chose sur ce podium. Ouais, bah, effectivement, ça, on sait de toute façon très bien, quand il dit ça à la radio, il pense à la Hongrie, il dit écoute, c'est ça. Moi j'ai fait ma partie du boulot, maintenant à toi de débrouiller. Et puis Ocon a bien, il s'est vraiment bien défendu, Esteban Ocon, parce qu'il fallait y aller hein, sur la Red Bull. Bon, laisser Perez à l'extérieur du premier virage, c'était un petit peu le cheat code pour tout le monde, puisque Perez allait donc freiner au panneau 12 mètres à peu près, et donc sortir dans les parties un peu plus sales. Mais derrière, quand même, il a bien défendu aussi. Alonso a fait 23 tours avec son train de tendre au début du Grand Prix. Quand on compare, Gasly en a fait 13. Hein, donc voilà, il a eu 10 tours de plus en tendre avec un rythme qui était vraiment pas mauvais du tout. Donc vraiment une belle course, Paul, hein, de Fernando, et puis ça doit faire du bien. C'est la fête, j'imagine, évidemment, du côté de nos amis espagnols. Voilà, tout le monde n'en peut plus. Ah bah ça. Ça, c'était la folie, tu peux l'imaginer. Mais tu parlais du fait qu'il ait tenu 23 tours de tendre, et en plus avec de la performance. C'est ça qui était assez impressionnant de sa part, c'est qu'il était rapide et il prenait soin du pneu en même temps. Il a été dans une gestion de course absolument parfaite. Je pense qu'il a bénéficié aussi d'avoir de l'air dégagé devant lui à tout Grand Prix, finalement. Parce qu'une fois qu'Hamilton s'est envolé, il avait de l'air libre. Verstappen l'a rapidement passé, il a creusé l'écart. Donc en fait, il s'est retrouvé en permanence dans son propre rythme, et je pense que c'est une des clés dans la Formule 1 moderne de toute façon. Mais sa gestion, elle était incroyable. Et si je peux faire un commentaire sur son retour, il y avait plus de doute sur le fait qu'il avait la vitesse, qu'il avait la grinta, l'envie. Il lui manquait juste ce gros résultat. Maintenant, il l'a. Il a son podium, il a ce trophée. Et on ne sait pas ce que seront les F1 en 2022. Hein. Alpine, qui sait, ce sera peut-être... Une voiture capable de se battre pour le titre, mais ce sera peut-être aussi la 8e force du plateau. Tout est ouvert. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi savoir savourer ces moments-là, qu'on soit supporter ou pas, ou qu'on soit neutre, parce que ce qu'on a vu hier, c'est quand même super. Moi, quand j'ai vu ce podium, C'est quand même, c'est le premier podium d'Alonso depuis que Verstappen est en Formule 1. Enfin, j'avais envie de jouer la musique de Retour vers le futur devant ma télé. C'était formidable. Et puis voilà, s'il y avait encore quelques détracteurs, je crois que bon, ils mangent leur casquette parce que il a eu son trophée. Et c'est vrai que c'est quand même mérité. C'était le dernier membre du top 12 à pas avoir de podium cette année. En plus de Russell qui est un peu plus loin au classement. Et oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Franck. Il y a une espèce de justice équilibré avec la Hongrie, sachant que là en plus c'était quand même obtenu à la régulière, c'est quand même ça qui a souligné, c'est-à-dire que outre la crevaison de Bottas, au pire c'était top 4, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et dans un autre week-end, on aurait pu penser qu'AlphaTauri allait reprendre des gros points, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Et je pense que la gestion des pneumatiques, le fait que l'Alpine, on l'a vu au Brésil aussi, il avait tenté qu'un seul arrêt, l'Alpine elle a l'air de savoir garder la vie des pneus, et au moins de Alonso et Ocon ce week-end, ça a donné un super résultat. Donc tant mieux pour eux. Il faut espérer que ce soit un bon présage pour l'année prochaine. Alonso disait, bon, l'équipe est prête pour 2022. En fait, ce qu'il entend par là, c'est qu'elle est prête sur le point de vue fonctionnel. C'est-à-dire que c'est une équipe qui serait capable de bosser avec une bonne voiture. Maintenant, reste à sortir la bonne voiture. Peut-être falloir s'y mettre. Ce serait bien qu'elle soit bonne, cette nouvelle Alpine. Il y a Herbert Icros qui disait aussi qu'Alpine a utilisé son David Ebrivio. On dirait un Joker. Ils ont sorti leur David Ebrivio pour le week-end. Je suis sûr, ils sont allés dans l'usine. Il y a Laurent Rossi qui avait dit « Mais attends, toi, c'était la moto avant, vous !» C'est formidable, ça, on va sur un circuit de moto. Allez, hop, on met David Ebrivio dans les valises. Et il était là, voilà. Il était content, hein, avec un podium. Il se dit, voilà, le job est très, très bien fait. Elle est bien la place de David Ebrivio quand même, hein, parce que on ne l'a pas entendu de la saison. Et si ça marche, bon, on dit bravo David Ebrivio, si ça ne marche pas, on oublie qu'il est là. Il a réussi un tour de force qui est rare en Formule 1 quand même. Hein. Son bite indicate qui veut dire on peut le mettre en rapport avec le Grand Prix d'Europe 2012 où Schumacher fait son dernier podium après une longue disette. Ah non, hein. Ah non, j'espère que ce n'est pas le dernier maintenant. On va aller à 100. Le nombre à 3 chiffres maintenant. Alors, il y a 100 courses avant de viser le titre, hein, disait Rossi. Donc, hein. faut faire d'un autre. Il faut faire d'un autre, il tient 100 courses encore. Il aura 47 ans. Ans. Il a bon, 100 courses, c'est 4 saisons. Hein. Après, attention, Franck, il a dit courses. Il n'a pas dit Grand Prix. Ouais. Vu où la Formule 1 moderne va, 100 courses, ça peut être 2 saisons, à peu près. Hein. Ou 3. Ça peut aller très vite. Hein. Vas-y, non, mais non, par contre, ce que Paul disait, c'est effectivement c'est le gros coup. AlphaTauri 25-0 là, sur ce week-end-là, personne ne l'a vu venir. Hein. Tout le monde voyait AlphaTauri regratter au fur et à mesure Alpine et passer devant grâce à Pierre Gasly. Mais là, c'est boum, là, c'est dans la, ça, ils ont pris cher là, chez Faenza. Ouais, c'est pratiquement réglé, je crois. Enfin, on dit ça à chaque fois, mais là, 25 points. Reprendre 25 points d'un coup, c'est quand même la spécialité Alpine cette année, c'est de faire des gros coups, quoi. La Hongrie et le Qatar, ils ont dû faire 70% de leurs points en deux courses, quoi, donc, concrètement. C'est même Gasly qui a dit, je crois, en gros, s'ils n'ont que ces deux courses-là, ça leur suffit presque. Il était un peu dégoûté, Gasly, c'est normal. Mais ouais, dommage qu'ils n'aient pas eu cette constance toute l'année, parce que franchement... Ils auraient pu jouer le top 4, quoi, avec des courses pareilles. C'est ça. Alors, on voit justement que le côté opérationnel de l'Alpine fonctionne, parce que dès qu'il y a un bon coup à faire, ils le font. Et c'est pas toutes les équipes qui peuvent s'en vanter. Donc on voit vraiment que Alpine a quand même changé. Je vois vraiment beaucoup de critiques souvent en disant oui, mais Alpine, ils ont toujours des plans à 5 ans, mais ils font rien. Et en fait, non, l'équipe change. L'équipe change pour de bonnes choses. Et on voit que voilà, depuis déjà l'an dernier où il y a eu des podiums, mais surtout cette année, l'opérationnel est là et l'équipe fait beaucoup moins d'erreurs. L'an dernier, ils ont jeté des résultats par la fenêtre à Monza ou des choses comme ça, où enfin, Monza typiquement où Gasly gagne, Renault aurait pu jouer la victoire aussi s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi avec la stratégie. Et on voit là que cette année, bah, justement, quand il y a eu une victoire à jouer, ils l'ont joué. Quand il y a un podium à faire, ils le font et ils ont fait ça toute la saison. Alors, ils ne font pas beaucoup de bons résultats, mais ils font des bons résultats. Alonso est toujours, encore une fois, Alonso... Ben forcément, il est toujours là et il en veut toujours plus. Donc, des fois, il fait un peu n'importe quoi, comme au départ en Russie ou comme aux États-Unis. Mais des fois, il sait aussi être là quand il faut et ça finit par payer pour lui. Donc, c'est très bien. Je pense qu'il aurait été un peu triste de finir cette saison sans podium. Mais au final, la saison d'Alpine, elle est tout sauf mauvaise. Alors, c'est sûr que c'est décevant de les voir derrière Ferrari qui était largement en retrait l'an dernier. Et c'est sûr qu'on aurait aimé les voir se battre pour la troisième place. Mais il faut prendre ce qu'il y a. Le moteur n'a pas évolué depuis 3 ans. Le châssis, c'est une vague modification. Mais ça reste une voiture qui est quand même vraiment sur des vieilles bases, parce que même l'an dernier, ils étaient déjà sur une évolution des années d'avant. Et au final, c'est une des équipes qui a vraiment le châssis le plus vieux et le moteur le plus vieux. Donc, On peut penser qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis longtemps sur les nouveautés, le nouveau moteur pour l'an prochain, parce qu'on sait qu'on rentre dans un cycle où il y aura après un gel des moteurs, donc ils ont beaucoup bossé là-dessus. Et c'est une des équipes qui s'est mis le plus tôt à travailler sur sa nouvelle voiture. Donc on peut espérer pour eux que justement ça aille mieux l'an prochain. Après, c'est sûr que si l'an prochain la voiture est décevante, il y aura de quoi se poser des questions sur la manière dont ils travaillent à l'usine. Mais en tout cas, pour ce qu'ils avaient sur les circuits cette année, la saison a été très très bonne. Moi, je ne serais vraiment pas trop négatif avec eux parce qu'ils ont fait des belles choses. Alors, et je pense avec une voiture qui n'était pas meilleure que l'AlphaTauri, par exemple. Ouais, qui est effectivement vieillissante. 62 points entre la Hongrie et le Qatar pour Alpine. Enfin, ils ont marqué 62 points sur ces deux courses. Ce qui est grosso modo un peu moins de la moitié de leur total de points sur la saison 2021. Mais en même temps, voilà, il faut aller chercher les gros coups. Et puis d'une autre manière, on peut aussi dire que AlphaTauri, si Tsunoda performait au même niveau que Pierre Gasly ou un peu en dessous, ils auraient peut-être marqué encore 20 ou 30 points de plus, dit Manu. Non, j'ai vu dans le chat aussi, on demandait si Brivio a signé en moto pour l'an prochain. Non. Suzuki a confirmé qu'il cherchait un autre directeur que Brivio, et Alpine et Brivio ont confirmé que Brivio restait l'an prochain. Donc malgré les rumeurs qu'il y a eu, a priori, il restera bien à sa place l'an prochain, et s'il y a des changements chez Renault, ça ne le concernera pas lui. Voilà. Donc on verra effectivement, oui, peut-être que ce système, mon avis, simplement, ils ont peut-être juste pris le temps de comprendre comment exactement faire fonctionner tout cela. On rappelle, il y a Laurent Rossi donc, qui gère Alpine, évidemment, Marcin Butkowski qui est un peu côté technique, David Brivio qui est un peu plus là pour côté piste. Peut-être aussi qu'ils ont pris le temps et qu'effectivement, arrivé au milieu de saison, ils n'étaient pas sûrs d'avoir trouvé vraiment les bons réglages, donc ils envisageaient rechanger tout cela. Et puis finalement, peut-être que le break estival aussi a été utile pour cette équipe, pour se remettre en place, et maintenant, ça fonctionne peut-être de la bonne manière. C'est peut-être une chose à voir, mais en tout cas, c'est vrai que de voir, comme tu disais, Paul, Alpine être compétitif sur un point de vue opérationnel, ça c'est important. Parce que voilà, la voiture, après, il faut savoir en faire ce qu'il faut, et si l'an prochain, l'Alpine est formidable, mais que l'équipe est nulle part, on va vendanger de grandes opportunités, donc il faut évidemment que les deux soient au très bon niveau pour aller jouer... des bons résultats. Ne parlons pas de titre, parce que voilà, si on commence déjà à parler du titre et Alpine et tout ça, ça va être une déception terrible arrivée en mars 2022. Donc, faut pas y aller trop fort. Des podiums réguliers, déjà, ce serait vraiment très très bien, je pense. Podium régulier avec une ou deux victoires. En tout cas, jouer une ou deux victoires, même s'ils ne l'ont pas, juste pour montrer qu'en fait, ils sont dans la bonne direction, que la base est bonne. L'important, en fait, pour l'an prochain, les équipes auront vraiment le point le plus important, ce sera d'avoir une bonne base, parce que derrière, on entame un nouveau cycle et il faudra bien évidemment bien développer la voiture et bien évoluer dans ce cycle-là. Mais surtout, il ne faut pas prendre de retard dès le départ, en fait. Donc, s'ils arrivent déjà à avoir ça en début de saison et à jouer placé à l'aise dans le top 10 et voir régulièrement jouer les podiums, ce sera déjà une très bonne chose pour ensuite envisager mieux les années suivantes, quoi. Les budgets capés font peut-être aussi le fait qu'il y a moins besoin peut-être de faire un coup en 2022 pour toutes les équipes, parce que on se rappelle par exemple Brown Grand Prix 2009, c'était leur année parce qu'ils savaient qu'ils avaient un budget qui était minuscule par rapport au reste du peloton, donc ils n'avaient pas pouvoir continuer à développer sur les années après. Ici, il y a moins ce problème peut-être aussi pour toutes les équipes, donc voilà, on peut se permettre d'être juste dans le coup en 2022 et de continuer à développer sur des bonnes choses. Brian Delicat qui a sorti la sulfateuse dans le chat, qui nous dit avec une bonne base, même Stroll peut faire des podiums. Mais il a fait des podiums, Lance Stroll. Le pauvre. En plus, il fait un bon Grand Prix. Pole position, oui. Le pauvre. Le pauvre Lance Stroll, il a fini 6e avec son Aston Martin. Il fait sa meilleure course de l'année. Mais c'est ouais. Ça. Bon, la seule bonne, mais oui, non, c'est quand même. Là, c'est bien qu'il fasse une bonne course, Lance Stroll, vu les deux week-ends qu'il nous a servi au Mexique et au Brésil. C'est bien au moins qu'il ait fait quelque chose de très positif ici sur ce Grand Prix du Qatar. Sergio Pérez qui termine 4e, bon, écoutez, c'est positif quand même. Il fait une belle course, encore une fois, c'est ça qui est dommage. Il se retrouve à partir très loin, quoi. Il sauve encore une qualification de merde, il faut le dire. Ça. Hein, je pense. Ouais. Là, ne pas rentrer en Q3 avec une Red Bull, moi je suis désolé, c'est carton rouge, quoi. Donc, heureusement qu'il fait la course qui va bien pour remonter au niveau du podium. Et je pense qu'il aurait pu être sur le podium si effectivement Red Bull n'avait pas été un peu plus précautionneux au niveau de la stratégie quand ils ont vu effectivement les crevaisons qui commençaient à arriver. Et bon, voilà, ils auraient peut-être pu laisser Sergio Pérez un peu plus longtemps aussi sur le premier relais en piste. Mais non, heureusement qu'il rattrape en course, parce que c'est d'ailleurs ce qui permet d'ailleurs à Red Bull de regrignoter un peu des points au championnat constructeur sur Mercedes, donc peut-être à 5 points au lieu de 11, voilà, donc ils ont grignoté 6 points de ce côté-là. Voilà, quand est-ce que Sergio Pérez arrivera à faire un week-end parfait du début à la fin, quoi. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça va pas, que ça coince, donc Alors, ouais, on va nous dire, ouais, effectivement, bah, ce week-end-là, il y avait aussi 6 dixièmes de différence entre Hamilton et Bottas. Il y avait aussi un écart plus important entre Verstappen et son équipier. Alors, est-ce que c'est voilà, fait, l'adrénaline du champion du monde, du championnat du monde? Est-ce que c'est la. Voilà, voilà, Marco disait lui-même, et je suis, pour le coup, je suis assez d'accord avec lui, il y a Hamilton et Verstappen, il y a les autres. Mmh. C'est comme ça, il faut le constater quand même. C'est. Même si Bottas est quand même capable de coups d'éclat assez réguliers, quand même, voilà, parce qu'il est capable de prendre des pôles, ce genre de choses, il s'écroule en général assez rapidement. Et Sergio Pérez, lui, c'est le contraire. C'est le diesel, il faut le temps à ce que ça arrive. Voilà, ah, tiens, mi-course, tiens, ah, bah, tiens, on peut tourner comme ça avec la Red Bull. Bon, bah, je vais peut-être finir le Grand Prix en beauté, finalement. On dirait qu'il découvre un truc au milieu de la course, quoi, à chaque fois. Et c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Si Sergio Pérez avait été plus constant sur cette année, je pense qu'ils auraient déjà plié le championnat constructeur depuis peut-être un ou deux grands prix chez Red Bull. C'est vrai quand même, c'est peut-être le grand prix où on a le plus vu la domination Mercedes et Red Bull en fait. Avec oui. Bottas et Perez qui partent loin et qui remontent quand même à une vitesse les deux. Parce que bon, alors Bottas, il lui a fallu 9 tours avant de comprendre voilà, qu'il avait le droit d'aller dépasser. Enfin, il a fallu que Toto Wolff lui dise à la radio. Mais ils font une remontée, c'est les seuls qui parviennent à remonter aussi fort en fait. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, on dit finalement ça a dépassé au Qatar, ça a dépassé surtout pour ces deux voitures-là. Derrière, il y a eu des batailles, bien sûr, et c'était plus que ce qu'on pouvait s'attendre. Mais moi Bottas, se faire motiver par Toto Wolff à la radio, pour moi, c'est une humiliation. Je suis désolé, au bout d'un moment, quand c'est le patron qui est obligé d'intervenir pour dire vas-y, dépasse, c'est qu'il y a quand même un problème, quoi. Je veux dire, on n'entend pas ça du côté de Red Bull pour Perez. Je sais pas, il y a vraiment un souci, je pense. Psychologique chez Bottas, bon, quand il se retrouve dans une mauvaise situation en course, il est tétanisé, on s'est posé la question avec Manu pendant le live, savoir qu'est-ce qu'il faisait, quoi, pourquoi il n'y allait pas. Donc, que ce soit Toto Wolff qui soit obligé d'aller prendre la radio pour dire vas-y, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ta consigne de base, c'est ne prends aucun risque et ramène la voiture à l'arrivée, sauf si Toto intervient à la radio et te dit d'y aller. On peut le prendre comme ça, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est que c'était déjà le cas au Mexique, en fait, quand il doit remonter après la crevaison du premier tour. C'est déjà Wolff qui va le féliciter, qui va l'encourager à la radio, et c'est Hamilton qui le félicite par radio interposée. Enfin, c'est assez bizarre, en fait, cette gestion de la psychologie chez Bottas, où on sent, j'imagine que ça fonctionne un peu, mais moi, je suis vraiment un peu déçu de son week-end, parce que déjà, il fait bon, la même erreur en qualif que Verstappen, où justement, il prend une pénalité qui était évitable. Et puis au départ, il le dit lui-même, il rate complètement. Enfin, il met pas ses pneus en température pendant le tour de formation. Il rate le premier virage. Alors Vettel le fait aussi, mais voilà, encore une fois, c'est une erreur de la part des deux. Et il se retrouve 11e et derrière, il met 9 tours à passer Stroll. Donc ça pose quand même problème à chaque fois la course chez Bottas s'il n'est pas devant. Et d'ailleurs, Wolff l'a dit. Il a dit, on sait que Valtteri, quand il est devant, il peut s'envoler en tête. Donc ça montre bien qu'il a de la vitesse. Le problème, c'est que On dirait que depuis qu'il est chez Mercedes, il est tellement habitué à être devant qu'il a oublié comment on fait dans le peloton. Cette année, il a vraiment zéro racecraft. Ce qu'on appelle le racecraft, c'est vraiment la science de la course. Il en a montré à aucun moment. Il n'en montre pas à Imola, il n'en montre pas à Bakou, il n'en montre pas beaucoup au Mexique, il n'en montre pas ici. Et il y a eu d'autres exemples encore, je ne les ai pas tous, parce que malheureusement, il y en a trop. Mais c'est dur, quoi. Et c'est vrai que je pense que psychologiquement, il n'est pas bien. Et on dirait que dès qu'il n'est pas dans une situation optimale, tout s'effondre pour lui. Et du coup, il est tétanisé, quoi. Donc. C'est un peu un gros problème. Et surtout, ben, là, on rentre vraiment dans le money time pour la saison, dans vraiment les moments les plus importants. Et les deux équipes vont avoir besoin de leur deuxième pilote. Alors, on comprend bien que c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont face à des monstres. Vraiment, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la performance des deux autres qui sont chaque week-end au meilleur niveau possible et qui leur collent une demi-seconde régulièrement, et etc. Je veux bien croire que ce soit compliqué. Mais c'est vrai que là, leurs équipes vont avoir besoin d'eux, et que ce soit Perez en qualif qui est pareil, effectivement, on peut le dire, hein, c'est vraiment pas bon du tout. 3 dixièmes avec pas les mêmes pneus, alors que le circuit est assez rapide et que normalement il n'y avait pas forcément autant d'écart à prendre. Et puis Bottas qui est en course s'effondre. Donc là, les deux posent problème. Et c'est vrai que finalement, les voir terminer, bon, Bottas a une crevaison, mais c'est aussi dû au fait qu'il était en retard et que du coup il a fallu changer sa stratégie. Et Perez, le voir terminer derrière une Alpine, c'est quand même pas normal. Et surtout, le voir. Éliminé en Q2, c'est même s'il est loin de Verstappen, il doit pas être éliminé en Q2 parce que ça veut dire qu'il est derrière une Ferrari, derrière une AlphaTauri, derrière des Alpine, enfin, il y a trop de voitures devant lui. En fait, il y a 5 ou 6 monoplaces différentes devant lui, donc c'est pas normal. Non, effectivement, alors Bottas, ouais, je pense aussi le coup de Wolff, je pense que c'est simplement qu'à un moment ils ont regardé le truc, ils ont vu qu'il arrivait pas à passer Stroll, ils se sont dit maintenant il est 11e, il marque pas de points, c'est-à-dire qu'ils ont commencé, il y a peut-être eu un petit. vent de panique dans l'équipe, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Paul, où ils ont dû se dire, mais attends, il est en train de même pas remonter dans les points, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que... Mais moi, juste par rapport à Wolff, je ne suis pas forcément fan de ce genre d'intervention en direct à la, dans un Grand Prix comme ça. Surtout qu'en ce moment, que ce soit Toto Wolff ou Christian Horner, on parle beaucoup d'eux hors piste. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée de la part de Mercedes de laisser Wolff intervenir. Et en plus, honnêtement, est-ce que ça allait changer quelque chose ? Bottas dans le trafic n'y arrive pas. Tu peux lui gueuler dessus autant que tu veux. Je ne suis pas sûr que ça changera quelque chose, sincèrement. Et... le problème que ça va avoir en plus, c'est que la radio de Wolff, maintenant, ça va être dans les best-of, ça va tourner, ça va être un des moments forts, entre guillemets, cette course. Et ça enfonce encore plus Bottas, en fait. Peut-être que l'intention, à l'instant T, c'est vraiment de l'aider, de le motiver, mais ça ne l'aide pas. Et en plus, après, ce qu'on va retenir de l'image du Grand Prix, c'est que même en étant boosté par Toto Wolff, il n'y arrive pas. Donc, ça enfonce encore plus le personnage Bottas. Moi, je ne suis pas sûr que c'était le meilleur management à faire. Maintenant, je suis du tout en train de défendre sa course. Quand tu es dans une Mercedes, tu dois au minimum être sur le podium, pénalité ou pas. Et bon, là, il a raté son départ, ça lui a compromis sa course. Et il faut quand même rappeler qu'il remontait sur le podium avant sa crevaison. Mais pour remonter sur le podium, il a dû attendre que tous les autres s'arrêtent, ensuite d'avoir la piste dégagée pour enfin avoir du rythme. C'est-à-dire que sinon, il était bloqué. Et même là, je pense que si c'était arrêté normalement, il serait reparti derrière Alonso et Perez. J'ose espérer qu'avec autant de performances, il aurait pu doubler l'Alpine, mais bon, on a vu que c'était pas si simple que ça. Et pour rejoindre ce que vous avez dit sur Perez, je suis d'accord. On serait en début de saison, j'aurais encore pu excuser une élimination en Q2 si on était dans les 6-7 premiers Grands Prix. Là, on est en fin de saison. Verstappen, il a plus que jamais besoin d'aide. Et là, c'est ce que je me suis dit en qualif, c'est bah, Verstappen va être seul, quoi. Et c'est pas la première fois cette année. Il va être seul dans une voiture a priori moins performante. Et on voit encore une fois que le pilote fait la différence. J'espère que Perez va faire des qualifications solides parce que sinon, bah, je ne donne pas cher des chances de Max, en fait. Parce que s'il doit se battre contre deux Mercedes sur les deux courses restantes, sachant la performance qu'il y a dans la W12 depuis quelques courses, ça va être compliqué si c'est une seule Red Bull en Q3 à chaque fois. Ah, disons que là, sa plus belle chance, ouais, c'est de ne pas se retrouver à 2 contre 1, mais à 1 contre 1, parce que Bottas non plus ne fait pas... C'est pas le boulot, quoi. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Alors, Xoran, je trouve que là, tu ne dois pas regarder la Formule 1 sur FA TV pour ne pas savoir le nom des autres ingénieurs, puisque si tu regardais Gaëtan Vigneron, tu connaîtrais le nom de l'ingénieur de Max Verstappen, qui est Giampiero Lambiase. Voilà, il le dit tout le temps, donc ça, il n'y a pas de souci, tu pourrais le savoir. Bah, pourquoi est-ce qu'on connaît, la question est pourquoi est-ce qu'on connaît que Peter Boynton, donc Bono. Bah parce que c'est Bono, c'est voilà, c'est. Hamilton le parle souvent, s'adresse souvent à lui en disant son nom, mais sinon voilà, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus. Ouais. Je pense honnêtement que c'est parce que c'est son surnom, c'est Bono. C'est-à-dire que voilà, t'imagines le chanteur de YouTube, tout ça, voilà, ça marche, ça marche très bien. Ça fait que les gens l'ont retenu. Mais je voulais juste rajouter quelque chose moi sur la stratégie chez Mercedes, parce qu'on a quand même Toto Wolff qui a révélé il y a quelques semaines maintenant qui commence à s'intéresser, à s'impliquer dans la stratégie aussi. Et à mon avis, je pense que si il se met à intervenir en course comme ça, c'est que dans les projections d'ingénieurs qui sont à la base, à l'usine ou autre, disent que si Bottas continue sur ce rythme-là ou à rester sur cette lancée-là, jamais ils finiront dans les points ou jamais effectivement il y aura le target qui sera voilà de progression qui sera atteint. Et je pense que du coup c'est lui qui doit se rendre compte de ça parce que ce retour d'information là depuis le garage, que lui il opère depuis le garage, pas depuis le vrai des stands. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il se met à intervenir. Maintenant, je pense qu'effectivement le ton et la forme pourraient être adaptés. Quoi. Il va y avoir d'autres mots que go get him, style maximum attaque ou free card, carte blanche, ce genre de choses, quoi. Quelque chose de plus gratifiant que juste vous chercher. Ouais, mais voilà, comme on le disait la semaine dernière, c'est un peu ça. Comme on le disait la semaine dernière, on lui parle un peu comme à un chien, Valtteri Bottas, c'est-à-dire qu'on a Hamilton qui dit oh, c'est bien, oh, c'est bien le Valtteri, il a fait un bon job. Voilà, donc peut-être que c'est leur manière de faire, ce qui n'est pas très, très terrible évidemment pour Valtteri Bottas. J'espère qu'il nous fasse. Ouais, il devient. Ouais, Toto Wolff, qui commence à nous faire un petit côté interventionnisme, il va bientôt être partout. On va le voir faire un arrêt au stand, changer un pneu, machin. Il va. Okay. Toto Wolff, il est le new Mattia Binotto, ça, il va être dans tous les organigrammes de l'équipe. Ou alors il fait patron incognito. Et puis on va. C'était lui qui a changé la roue avant droite d'ailleurs hier. C'est ça, il savait pas. Ah, mais... Et puis là, on va voir après dans le truc, dans Drive to Survive, il accueillera donc le préposé avant droite. Je trouvais que tu as fait un très bon boulot et tu mérites vraiment une augmentation. Ça va être merveilleux, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Et ça aurait été délicate qui nous dit l'année prochaine, on imagine Russell qui félicite Lewis parce qu'il finit pas trop loin. Écoutez, ça aussi, ça sera. Je suis pas sûr que ça va arriver, mais ça va être la lutte qui passionnera pas mal de monde. Hein. La lutte entre George Russell et Lewis Hamilton. Allez, encore deux grands prix à attendre et ensuite on pourra voir ce que ça va donner. Et on pourra laisser Valtteri Bottas aller chez Alfa Romeo et retrouver, retrouver les milieux de peloton, ce qui, à mon avis, doit commencer à lui faire un petit peu peur, l'ami Valtteri Bottas. Esteban Ocon va se battre par Guan Yu Zhou. Oui, ah bah non, quand même, il va y arriver. Ils vont être 16 et 17. Ah bah, je change le boulot, quoi. Parce que... Ah, bah là, qu'il aille faire du café, parce qu'effectivement, il n'y aura plus un grand avenir en F1 pour lui. Esteban Ocon, Xavier Yang, 5e. Lance Stroll, 6e. On l'a dit tout à l'heure, enfin, un bon grand prix de Lance Stroll, une course solide, ça faisait du bien. Ferrari qui fait 7 et 8. Bon, bah, d'un côté, c'est quand même dommage, parce qu'on sentait Sainz aussi qui partait pas mal devant, qui en plus partait lui en médium. Donc, c'était l'un des rares, autres les prétendants au titre, qui pouvaient justement partir en médium sur cette course. Bon, voilà, 7 et 8, c'est pas forcément le résultat qu'on va escompter pour Ferrari, mais au moins ça leur fait plus de points que McLaren. Donc c'est tout ce qu'il leur fallait. Hein. Ouais, c'est non, ça, en fait. Vas-y, Franck. Non, effectivement, ils ont assuré. Bon, après, c'était un Grand Prix qui était un peu compliqué. Ils le craignaient un peu aussi des pneus. Comme Mattia Binotto l'a dit, effectivement, c'est pas leur point fort, ce genre de pneus à haute dégradation. Voilà, donc ils ont réussi à améliorer les choses depuis le Paul Ricard en France, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ils assurent l'essentiel et. Bon, encore de la chance que McLaren soit hors des points. Souci pour Ricciardo, souci pour Norris aussi avec une crevaison. Je crois que voilà, Norris marque un point, deux points, je crois. Deux points, Norris, ouais, 9e. C'est ça, deux points, donc deux à 10, ouais, bah, ça fait 8 de plus pour Ferrari. Je veux dire, là, la troisième place au championnat est quasiment pliée, on va dire, pour eux. Quoi, donc, il faut aussi, à moins qu'il y ait encore des grands prix de folie, ou à Jeddah ou à Abu Dhabi, donc je parierais plutôt sur Jeddah qu'Abu Dhabi pour un grand prix de folie. Je pense qu'effectivement Ferrari a assuré sa troisième place au championnat constructeur. Donc 40 points, là, ça me paraît effectivement difficile à les déloger. Je pense que même chez McLaren, là, ils l'ont senti un peu le coup passé. Je crois que c'est toi, Manu, qui écrivait que voilà, ils sont arrivés avant le triplé de course à 40 points de retard, ils en sortent à 40 d'avance. McLaren, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Enfin, ça, en trois courses, là. Et l'attente, ça a été totalement inversé. Quoi. C'est ça, il y a eu 47 points de marqués en 3 courses pour Ferrari et 4 pour McLaren. Donc, ça a été catastrophique. Ouais, ils se sont totalement effondrés. Alors après, j'ai vraiment l'impression que McLaren est obligé maintenant de penser à 2022, quoi qu'il arrive. On a l'impression qu'ils ne font absolument plus rien pour vraiment travailler la saison en cours. Je pense qu'ils ont fait quelques tours de simulateur à Losail pour apprendre ce circuit, mais ça doit être tout. Alors que Ferrari, qui eux ont vraiment beaucoup travaillé en début de saison et notamment sur la nouvelle voiture, ont l'air d'avoir un petit peu plus de marge pour trouver encore des choses sur leur voiture et continuer à progresser. Et c'est vrai que effectivement, malgré le problème de pneus, d'ailleurs le problème dont tu parles, Franck, il a été confirmé par Sainz après les qualifs, qui disait qu'ils ont beaucoup de dégradation, il y avait beaucoup de dégradation sur les longs relais, et pour eux c'était quasiment indispensable de se qualifier en médium. Et en fait, Leclerc a tenté une deuxième tentative à entendre. Heureusement pour lui, finalement, qu'il n'est pas passé dans le top 10 parce qu'en course, il serait effondré et il serait probablement arrêté dans les mêmes temps que les AlphaTauri. Donc, c'était finalement une pas si mauvaise opération pour eux d'avoir Sainz qui partait en médium dans le top 10 et Leclerc en retrait, mais au moins qui pouvait partir avec des pneus un peu plus solides. Et finalement, ils sauvent quand même des points et la course est plutôt correcte du côté de Ferrari. Alors que McLaren, ouais, ils sont vraiment nulle part depuis la Russie. Hein. Encore une fois, Norris s'est éteint après la victoire manquée en Russie. Et de toute façon, l'équipe a l'air d'avoir... Je ne sais pas si c'est la frustration de cette deuxième victoire manquée, mais on a l'impression qu'ils ont totalement lâché l'affaire et qu'en fait, ils se sont rendus compte que le plus important n'était pas là. Donc, c'est vrai que ça fait une fin de saison qui est très difficile. Ils sont littéralement, là, dans un week-end comme ça, ils sont derrière Ferrari, mais ils sont aussi derrière Alpine, derrière AlphaTauri et derrière Aston Martin, en fait, ou pas loin devant. Donc, c'est vraiment, vraiment problématique. Quoi. Et en même temps, je pense que on les verra au même niveau à Jeddah et à Abu Dhabi. Il y a beaucoup moins de rythme, effectivement, dans cette McLaren. On parlait des points, 47 à 4. Bah, on rappelle qu'ils ont marqué 44 points sur Monza hein, aussi. On parlait d'Alpine qui surfait un petit peu sur ce gros week-end de la Hongrie. Bah, c'est un petit peu la même chose pour McLaren avec leur extraordinaire doublé de Monza. Oui, ils avaient marqué les 44 points, ce qui était le maximum, évidemment, pour une équipe. Voilà, c'est assez fou. Alors, comme dit Tommy aussi, sans crevaison, Norris fait 5e. Hein, c'est vrai que il y avait quand même le rythme, mais il y a la crevaison, c'est ça aussi qui est un petit peu problématique, c'est que voilà, oui, sans la crevaison, mais bon, il y a eu ce qu'il y a eu, et malheureusement ça fait que 2 points pour eux. Norris qui avait fait un joli relais d'ailleurs en tendre aussi, 25 tours lui au départ, Lando Norris, pour venir se placer justement correctement, mais après il a fait quand même moins de tours en dur qu'en tendre, c'est ça qui est quand même assez... C'est pour ça que moi je pense, et Pirelli va d'ailleurs faire des investigations, je pense qu'il y a dû avoir un souci avec un vibreur ou quelque chose, parce que Pirelli dise que c'est pas possible de faire plus de 26 tours, je les comprends, enfin que c'est dangereux de faire plus de 26 tours, c'est une chose, mais que Norris n'arrive pas à faire plus autant de tours avec les durs qu'avec les tendres, avec en plus moins d'essence dans la voiture, c'est qu'il y a forcément eu un petit souci pendant son relais qui fait qu'il y a eu cette crevaison lente. Bah, ah oui, la théorie la plus probable, c'est qu'évidemment c'est Avivreur, à mon avis, qui a dû poser des problèmes sur le circuit. Peut-être même on peut imaginer un bout de carbone qui s'est logé quelque part, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de débris de carbone, voilà, de pièces laissées au cours du week-end. Peut-être un débris qui s'est logé quelque part dans un vibreur et qui, voilà, si à chaque fois on passait au mauvais endroit sur ce vibreur-là, ben, écoute, ça a déchiqueté l'intérieur, voilà, ça devait cisailler. Voilà, la Pirelli a quand même vu des coupures nettes sur pas mal de pneus, certains ont crevé, d'autres coupures. Donc voilà, à mon avis, on pense plutôt vers plus qu'un problème de vibreur, peut-être effectivement un problème de débris qui était logé quelque part dans un vibreur où les voitures passaient en appui. Donc sur un virage à droite, voilà, pour que ce soit le pneu avant gauche qui souffre. On a Arveri Cross qui nous dit: après les qualifications de Sochi, j'ai acheté un t-shirt Lando Norris et depuis bah, il est là, bien emballé. C'est ta faute en fait, c'est porté là avec la poisse. Non mais après effectivement les pneus c'était le triple droit, je pense, encore une fois, ils étaient entre 250 et 270 dans cet enchaînement sur des longues distances, donc ça a dû faire mal aux pneus, mais ouais, moi je suis d'accord. On a vu, j'ai regardé un peu les onboards et puis on le voyait de toute façon en regardant la course, les pilotes n'ont pas spécialement économisé leur gomme, ils n'ont pas spécialement fait attention aux trajectoires. Moi je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus prudents qu'en qualif, et en fait on les voyait régulièrement sortir un peu au large, aller frotter sur le vibreur qui était vraiment très agressif. Encore une fois, on parle de vibreurs qui ont cassé des châssis, donc c'est pas des vibreurs qui sont vraiment qui peuvent être quand même franchis. Là il y avait vraiment un risque à casser quelque chose, donc je pense qu'il y a eu des choses comme ça de la part de certains pilotes, parce que ils avaient beaucoup de tours à faire, il y avait du temps à gagner, il y avait des choses, enfin, voilà, c'est la course, donc on prend des risques, et là en l'occurrence je pense que certains ont perdu à cause de ça, et je ne serais pas étonné que les pilotes Williams, qui eux ont sûrement bataillé avec une monoplace un peu plus instable et donc des sorties de virage un peu plus limites, aient eu le même problème. Quoi. Je pense aussi que quand tu apprends le circuit d'une certaine manière, comme ils l'ont fait pendant tous les essais libres, en sortant précisément, voilà, à chaque fois un petit peu large et tout, c'est pas non plus simple, peut-être aussi en course, de te réhabituer à, voilà, rentrer moins fort dans le virage, tout réadapter. Parce que, bien évidemment, il faut rappeler que si on leur dit simplement « touche pas un vibreur », le sous-texte à tout, c'est « ok, arrête de toucher les vibreurs, par contre, tu essaies d'être aussi rapide, tu te débrouilles, tu fais ce que tu peux, mais voilà, il faut quand même réussir à garder un rythme, donc c'est pas forcément simple. » Et on avait dit aussi à Fernando Alonso de faire attention aux vibreurs en fin de course. Je pense que la voiture de sécurité virtuelle a quand même aidé pas mal, enfin, en tout cas, à éviter à certains peut-être de connaître aussi la même fin, parce que c'était donc les deux Williams qui ont été aussi victimes de crevaison, et Valtteri Bottas évidemment, mais Bottas lui il s'est arrêté au 30, enfin il a crevé au 33e tour aussi, hein. Donc il est allé bien plus loin que la recommandation de Pirelli. Ouais, là je pense que c'est clairement le problème chez lui, c'est pas comme les autres qui ont crevé en pneus durs au bout de moins de tours que ça. Là je pense que Mercedes, ils ont prolongé son arrêt parce qu'ils voulaient justement faire qu'un seul arrêt et faire le plus tard possible, mais oui, effectivement, c'était trop tard. C'était un peu comme on rappelait à Bakou, un petit peu, où Verstappen avait été à la limite aussi de ce qu'avait dit Pirelli, donc voilà, ce sont des genres de choses aussi. C'est bien de voir des pilotes pouvoir aller plus loin, mais à un moment donné, bah voilà, il faut parfois, malheureusement, en payer le prix. C'est dommage, encore une fois, pour Bottas, comme on disait tout à l'heure, puisqu'il était remonté, en tout cas, il avait au moins fait une course qui était un peu plus positive que son début. Tu viens de faire penser à un truc, Michael. Tu es en train de me dire que ça fait depuis Bakou qu'on ne parle pas de pression de pneus en Formule 1. Oui, non, c'est fou. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment oublié qui fournissait les pneus. Et c'est-à-dire qu'on n'a plus entendu. Il se faisait plus de mauvaises pubs comme ça. C'était bien. Puis là, maintenant, bon, voilà, c'est redevenu. C'est d'ailleurs dommage qu'à chaque fois, ça redevienne une mauvaise pub pour Pirelli, parce que là, ils y sont probablement pour pas grand-chose, voire rien du tout. Ils donnent des recommandations qui sont bonnes. On a vu que les vibreurs sont agressifs, que causent des crevaisons ou des casses et tout ça. Et en fait, il faut savoir de ne pas taper sur Pirelli gratuitement. Et là, il n'y a rien qui dit que les pneus n'étaient pas à la hauteur du circuit. Au contraire, encore une fois, on voit Alonso qui fait un très long relais en soft, un très long relais en hard. Il n'y a pas de raison que les pneus aient eu un problème plus que ça. Je pense que si Alonso ou des pilotes comme lui vont au bout, c'est parce qu'ils ont peut-être juste un peu plus de science de la course et qu'ils ont fait moins ils ont pris moins de risques, justement. Et ouais, Pirelli, ça, c'est encore une fois le coupable facile, donc c'est dommage. Bah, j'ai trouvé que les gens ne se sont pas acharnés sur Pirelli cette fois-ci. Enfin, Norris, c'était pas... Voilà, ouais, Norris, j'allais dire après course, qu'il aura juste dit il faut qu'il fasse des nouveaux pneus qui nous garantissent plus de sécurité, mais c'était peut-être aussi une réaction d'après course, peut-être un peu de déception. Mais à part ça, c'est vrai que c'est pas vraiment tombé. Ah, globalement, c'est même l'opinion publique, en fait, pas forcément genre, les acteurs de la F1, mais plutôt le. Ah, mais justement, j'ai trouvé que c'était moins. Voilà, ah, j'en ai vu quand même. J'ai trouvé moins le bûcher. Peut-être que j'étais sur mon nuage et que du coup, je n'ai vu que des, que des commentaires agréables sur Fernando Alonso. Ouais, après un triple droit à 270 qui, et on sort sur un viewer hyper agressif, pour moi, c'est pas. Si on arrive sur des pneus un peu usés ou voilà, ne serait-ce que trouver un débris ou quelque chose à cet endroit-là, c'est fatal, quoi. Je veux dire. Et rappelons que le circuit n'était pas prévu. Parce que Pirelli, en début de saison, crée des mélanges pour. Déjà on rappelle, allez, c'est le petit quart d'heure défense de Pirelli. On rappelle que Pirelli a quand même une tâche qui n'est pas simple. On leur dit bonjour, vous devez créer 5 mélanges de pneus. Et c'est dans ces 5 mélanges, vous devez pouvoir fournir des F1 qui vont à Monaco, à Spa-Francorchamps, à Sochi, enfin sur une multitude de circuits de surface et de types de tracés différents. Et en plus, à un moment donné, on leur dit « Au fait, on vous rajoute un circuit, rassurez-vous, trois quarts des virages sont pris à 230 km/h, il n'y a aucun problème, vous allez voir, pour des pneus, c'est facile. » L'an dernier, c'est pareil, on leur dit « Au fait, on vous rajoute le Mugello, mais tout ira bien. » Voilà, Mugello et Portimao, mais c'est pas grand-chose, arrêtez de vous plaindre. Donc il faut dire que voilà, c'était pas simple. Ils sont venus évidemment avec leurs pneus les plus durs, parce qu'à un moment donné, là, ils pouvaient pas faire mieux. Mais peut-être que, ça se trouve, si on leur avait donné l'opportunité, ils auraient travaillé sur un pneu qui aurait été peut-être un peu différent. On rappelle, pour comparer, la moto, par exemple, Michelin apporte des pneus quasiment différents à chaque Grand Prix. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, en IndyCar, c'est des pneus adaptés à chaque circuit. Enfin, c'est faut se rendre compte vraiment de la différence. Et ici, en F1, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, dis-nous, Manu. Rappelons qu'en moto, les pneus sont même pas identiques à gauche et à droite quand même. Donc c'est bien que, enfin, il y a un travail qui va au-delà de ça. En fait, la F1, c'est vraiment quelque chose de très, par rapport à d'autres disciplines, pourtant qu'on pourrait imaginer potentiellement moins poussées technologiquement. Les pneus sont très rudimentaires en F1 par rapport à tout ce qu'on leur demande. Donc, faut vraiment pas sous-estimer ça, je pense. Voilà, il faut pouvoir rouler de nuit, donc il fait beaucoup moins chaud. Il faut pouvoir rouler de jour à 50 degrés à température. Enfin, il faut vraiment. On peut qu'on ait le Covid l'année prochaine et que Liberty nous dise ah ben finalement on va se faire l'Oval d'Indianapolis. Ah bon, voilà, c'est une merveille absolue. On va mettre une chicane au milieu parce que c'est compliqué. Hein, sinon, on a un petit peu peur, on a un petit peu échaudé. Non, mais c'est voilà, faut pas oublier que Pirelli quand même arrive avec une. Quelque chose qui est pas simple, et là c'est pareil pour l'an prochain, on leur dit allez, débrouillez-vous, vous faites 5 types de pneus et les voitures vous les connaissez pas, allez, et puis maintenant c'est 18 pouces, allez, débrouillez-vous. C'est quand même un sacré boulot. Donc il faut quand même le rendre. Et voilà, bon, ce week-end il y a eu des choses, mais je pense que tout le monde savait en fait d'avance que le circuit était compliqué, que les vibreurs étaient un peu difficiles, donc ça pouvait aider peut-être un petit peu à cette compréhension vis-à-vis de Pirelli. Donc Lando Norris qui termine 9e devant Sébastien Vettel, au moins un point pour Vettel, c'est pas mal hein, quand même. Voilà, les deux Aston dans les points, c'est vraiment pas arrivé souvent cette année. Hein. C'est la troisième fois, je crois, j'ai vu hier. Donc ouais. Il faut savourer, hein, très clairement. Occasion gâchée quand même pour Vettel qui avait du rythme tout le week-end et qui a un premier tour assez désastreux et qui sinon aurait pu terminer dans les mêmes niveaux que Stroll, donc on aurait pu avoir un joli tir groupé sans ça. Mais les deux dans les points, c'est déjà un bon week-end pour Aston Martin. Ouais, avec un peloton aussi serré et compétitif cette année, ça veut tout dire. À chaque fois quand on met deux voitures dans les points, voiture de milieu de peloton dans les points, ça veut dire qu'on a quand même plutôt bien maîtrisé sa stratégie, son opérationnel pendant la course. Donc bravo à Aston pour ça. Et en plus, sur ce week-end-là, on a eu un peu de chance parce que le peloton était un petit peu plus fragmenté. Mais quand vous avez d'autres week-ends, vous rajoutez les Alfa Romeo qui peuvent jouer un coup, les Williams aussi, ça devient effectivement très compliqué. Ici, pour Alfa, pour Williams et pour As, c'était vraiment un week-end très compliqué. Voilà, les Alfa ont fini 14 et 15. On vous le dit depuis le début de l'année, c'est leur place. Donc voilà, 14 et 15 pour Raikkonen et pour Giovinazzi. En plus, Vettel, au départ, se retrouve derrière un espèce de peloton. Il s'est retrouvé au deuxième virage. Il y a eu une bataille à trois de front entre Russell, Ricciardo et Giovinazzi qui a failli finir en carnage absolu parce que les trois se sont touchés en même temps. Et je pense que Vettel s'est fait assez peur là-dessus. Et je crois que ça l'a encore fait ralentir et perdre un peu plus de place. Donc, c'est un peu tout le problème qu'il y a. C'est que non seulement il a fait une bonne qualif, mais finalement, il perd tout son avantage. Et en plus, il se retrouve dans un peloton qui n'est pas le sien, donc il ne roule pas à son rythme. Et je pense vraiment qu'il y avait de quoi jouer le top 5 pour lui sans problème, parce qu'il partait devant Stroll. Donc, je pense qu'il y avait un top 5 à jouer, à mon avis, juste derrière Perez. T'évoquais Alfa Romeo, Michael, juste une petite anecdote là-dessus. Je ne sais pas si vous regardez aussi les vidéos YouTube que poste la Formule 1. Ils postent les messages au moment où les pilotes passent la ligne d'arrivée. Et chez Alfa, c'est les deux seules radios où il n'y a pas un son. C'est-à-dire que l'ingénieur de l'ingénieur donne la position à Kimi, puis ensuite à Antonio, c'est dans l'ordre du classement, et il n'y a aucune réponse des pilotes. Non, mais c'est quand même fou. C'est la seule équipe où aucun des deux pilotes ne répond en fin de course. Et ça dit quand même beaucoup de l'ambiance qui actuellement chez Alpha. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Ah bah t'en as un qui, de toute façon, il va bientôt se mettre en dépression parce qu'il n'en peut plus, il veut que ça se termine. Et t'as l'autre qui, de toute façon, il veut plus rien dire. Donc, il tacle Vasseur. Si vous écoutez si vous écoutez la radio, même chez As, c'était un bon travail, bon Grand Prix, tout ça. Il y a quelque chose de positif chez Alpha. Il n'y a plus rien installé. C'est vivement que l'année se termine pour eux parce que ça va devenir long, quoi. Je suis évident, si ça se trouve, pendant tout le Grand Prix, il a parlé d'argent, on ne le sait pas. J'étais vraiment fâché. Je pouvais faire une rallonge. Après, j'ai retrouvé ma tirelire dans le cockpit. Mais non, après, chez Williams aussi, où ça, pour la deuxième fois consécutive, ça s'est bien. Ça s'est mal passé entre Latifi et son ingénieur, parce que la semaine dernière, déjà, il s'était fait un peu à voir, puisqu'il avait commencé à parler de mauvaise stratégie à la radio, il s'était fait reprendre. Et là, gratuitement, il a demandé s'il pouvait pousser un peu pour tenter d'aller passer Russell, et son ingénieur l'a renvoyé chier, mais très sévèrement. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une très mauvaise ambiance. Même pas t'y penses, il lui a dit. Ah ouais, c'est ça. Je crois qu'ils sont au bout du rouleau. Ah, mais ils sont au bout du rouleau. 20e course, ils peuvent plus. Et puis c'est ça. Rendez-vous compte, et la F1, c'est Love Story. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on les a enfermés depuis le mois de mars. Et ils vont se taper. Je suis étonné que Julien Simon-Chautant n'ait pas encore renvoyé chez Raikkonen après 3 ans à se faire pourrir la gueule à la radio, qu'il n'ait pas dit bon, maintenant ça suffit. En fait, il recrute Guan Yu Zhou pour payer la prime de risque de l'ingénieur de Kimi Raikkonen parce que. J'attends que Julien nous dise un jour à la radio Leave me alone, I know what I'm doing. Enfin, le pauvre, je le crois, parce que du coup, si Bottas remplace Raikkonen dans l'équipe et récupère les ingénieurs de Kimi Raikkonen, il va passer de Raikkonen qui a, bon, bah, en gros, c'est un message, une insulte, à Bottas qui fait à peu près pareil. Hein, donc ça va être. Tout le pays concerne. C'est sympa, un pilote déprimé avec ingénieur déprimé l'année prochaine, ça va être sympa. Ah, ça va être. Ah, là, vous allez voir, il va y avoir des histoires à raconter dans ce paddock, ça va être extraordinaire. Mais c'est vrai que le pauvre Latifi. Mais qui se calme. Nous, on n'arrête pas de vanter ses mérites, mais qui se calme là, avec son ingénieur qui se met autour d'une table et qui explique les termes. Parce que si l'an prochain, ça ne marche pas parce qu'ils ne s'entendent plus, on va passer pour des idiots. Latifi est plutôt calme, hein, mais parce que vraiment, là, il bande des trucs. En fait, il dit voilà, je pense que je peux faire ça et tout. Et il se fait juste renvoyer chier. Alors, je ne sais pas si en briefing, il s'est passé quelque chose entre les deux. Mais c'est vraiment sauvage, quoi. Je poste la vidéo et qu'on fasse un lien ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment quelque chose de rarement entendu, parce que normalement, quand ça se passe mal comme ça, c'est le pilote qui en fait trop ou l'ingénieur qui lui parle, voilà, comme on a vu Norris et son ingénieur, ou des fois Tsunoda et Mazepin qui sont vraiment sous pression, mais là, il n'y a pas spécialement de grosse pression et ça tourne rapidement au drame, quoi, donc c'est assez bizarre. Ça va être incroyable. J'ai hâte de vivre la saison à 23 Grands Prix l'an prochain. Vous allez voir, ça va être une petite merveille cette affaire. On parlait justement aussi des pilotes qui ont un tempérament ou quoi que ce soit. On peut saluer Nikita Mazepin parce que j'ai trouvé que ce week-end il a agi enfin en pilote de F1. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il a eu le bon mot gentil pour l'équipe. Les félicitations parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour lui mettre un nouveau châssis et pour. Alors bon, je pense d'un côté il n'a pas dû être très content parce qu'il récupère du coup son ancien châssis qui ne pouvait pas blairer, mais au moins ça lui a permis de participer au Grand Prix et voilà, il a eu cette attitude positive qui contraste un peu avec ce qu'on a vu au Brésil, quoi. Un week-end très difficile pour Nikita, ouais. il a très très très peu roulé, hein. Limite il a découvert sa voiture en qualification, donc il a pas du tout pu rouler sur la séance de nuit le vendredi pour préparer sa voiture et sa course. Donc c'est un week-end compliqué, mais voilà, le mot gentil, l'attention, le travail, même aussi pour les ingénieurs de Mick qui aussi s'y sont collés pour effectivement réparer sa voiture à temps. Donc ça, voilà, petite lueur d'espoir chez As. Peut-être qu'effectivement, on est en train de comprendre qu'il vaut peut-être mieux s'entraider que se tirer dans les pattes, histoire de monter un petit peu les échelons. Donc, ça aura repris 20 courses. Mais ça c'est va, pas c'est pour bien. Ça qu'on entendra le Gunther. C'est pour ça qu'on entend Super Steiner, je vous dis toujours aux abonnés absents. Et ah ouais. Je sais pas, ils l'ont cassé quelque part, je pense. C'est la porte, mais je vois une image, moi je vois un épisode entier d'Alpe Tout Soir où il est dans un coin, comme ça, tout chétif, recroquevillé sur lui-même, en train de trembler. Moi je ne sais pas où est Gunther Steiner. Ah, c'est terrible. Hein. Mais c'est vrai, par contre, c'est quand même encourageant pour As, comme tu dis, Franck, parce qu'on voit qu'ils arrivent à apprendre à vivre ensemble, l'équipe est enfin soudée, et c'est quelque chose qui était impensable en milieu de saison. Donc, et là, on voit que finalement, il y a une meilleure ambiance chez eux que chez Alpha et Williams, donc c'est encourageant, et finalement, ils semblent un peu tous remotivés à l'idée de changer de règlement et enfin d'arrêter de rouler avec la même voiture depuis 3 ans, parce qu'on parlait d'Alpine tout à l'heure qui a une voiture similaire depuis 3 ans, mais As, c'est littéralement la même voiture, avec juste des adaptations réglementaires dessus pour qu'elle soit légale, hein, tout simplement. Donc, je pense que de leur côté, ça va faire vraiment beaucoup de bien de passer à autre chose, avec un... Maintenant, comme le disait, je ne sais plus, je crois que c'était Mazepin ou Schumacher qui disait, on est vraiment l'équipe B de Ferrari, c'est eux qui sont les plus proches, ils travaillent à Maranello avec Ferrari, et je pense que ça va leur faire du bien d'entamer un nouveau cycle après ce cycle catastrophique qui avait pourtant bien commencé. 2017-2018, il y a eu une belle progression, 2018 finit 5e au championnat, mais après ça a été la catastrophe absolue, et là je pense que ça va faire du bien de tourner cette longue page. Ouais, malgré la fatigue, ils ont retrouvé une riche énergie, je trouve. Jolie. Elle est très fine, c'est la bravo. Non, elle est validée. Elle est une standing ovation dans le chat, s'il vous plaît. Ça passe totalement. On a Ferranor qui nous dit j'ai hâte de voir Raikkonen faire des donuts entourés d'Hamilton et Max pour fêter son départ de la même manière qu'Alonso en 2018. Ah non, mais alors attendez, Abu Dhabi, ça va être fantastique le truc, parce que va y avoir Kimi Raikkonen qui n'a qu'une seule hâte, c'est que ça se termine, donc il va passer la ligne. La FIA, ça se trouve, va nous faire des trucs façon Valentino Rossi qui prend sa retraite, mais il n'en a rien à foutre. Il va arrêter la voiture, il va partir. Il y aura Hamilton et Verstappen, pour peu que ça se passe mal dans l'un des deux grands prix à suivre, ça va être insupportable et invivable à Abu Dhabi. Ça va être une ambiance incroyable. Je rappelle qu'en 2017, c'est quand même le seul pilote qui ne prenait même pas la peine de chauffer ses pneus à Abu Dhabi. Il y a une vidéo où on voit tous les pelotons qui est en train de se circuler comme ça, et on voit la Ferrari de Raikkonen qui trace tout droit alors que c'est en neutralisation ou autour de formation, je ne sais plus. Et donc, il ne faut pas se leurrer, il n'ira pas faire des donuts et fêter comme si finalement il était... À moins qu'il boive avant la course, parce qu'on avait vu au gala de la FIA qu'il était un peu plus relax quand il avait bu. Mais sinon, non, il sera lui-même égal à lui-même. Donc, on ne le verra pas trop après la course, je pense. Il n'y a pas d'alco-test après les Grands Prix. Donc c'est peut tenter. Ou alors, il ira boire rapidement entre l'arrivée et les célébrations. Mais... Je pense que ouais, on ne le verra pas, Kimi, en train d'être porté en triomphe par ses mécanos dans le box. Ça ne sera pas le cas. Je pense que ça va être... voilà. Mais comme le dit Fernand, ce dernier Grand Prix peut être complètement dingue. Enfin, il peut y avoir un truc, imaginez. Ils arrivent, Verstappen et Hamilton, avec un point ou deux d'écart, machin, la lutte pendant deux jours... Et au premier virage, il s'accroche et c'est terminé. Enfin voilà, il peut se passer tellement de choses extérieures. Ou alors, ça peut être décidé en janvier, bien évidemment aussi. Ça... on veut pas porter la poisse, hein, mais gardez-le dans un coin de votre tête. En même temps, vu que les commissaires mettent quasiment 24 heures à décider une grille de départ, effectivement, décider un titre, ils mettront peut-être un mois. C'est ça. Imaginez, il y a un truc qui ne va pas, des réclamations à gauche, à droite. On rejoue le Grand Prix. On le fait la semaine avant Bahreïn 2022, mais avec les voitures 2021. Vous démerdez, vous développez. Mais non, ça va être assez fou, effectivement, ces deux dernières courses. Au niveau des championnats, donc maintenant, on a 8 points d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Autant vous dire que désormais, c'est simple pour avoir le pire des scénarios possibles au niveau tension. Si Lewis Hamilton gagne en Arabie Saoudite avec le meilleur tour devant Max Verstappen, ils arrivent ex aequo. Donc comme ça au moins c'est pas compliqué. Match à mort. Octogone, voilà, et on se débrouille. Mais voilà, là ce sera finale de NASCAR, le premier qui passe la ligne est champion. Et puis si aucun ne passe la ligne, ce sera Verstappen. Mais ça, et on verra. Tu vas voir que du coup Rosberg va dire. Mais en fait effectivement c'est tellement bien les playoffs que dès l'an prochain nous en ferons parce qu'on a vu que ça apporte une tension exceptionnelle. Et par contre ils partiront en grille inversée sur le dernier Grand Prix aussi. Ce sera incroyable. Hyperdriver qui dit j'annonce, Sainz gagnera le dernier Grand Prix et personne n'aura rien à faire. Ouais, il aura son tapis vert. Oh l'horreur, la première victoire de Sainz sur tapis vert, mais 4 jours après. Comme il sera... trophée à Bahreïn. Verstappen peut être champion, hein. Donc oui. La semaine, donc un jour il peut être champion avant l'heure. Ouais, bon, les scénarios sont quand même assez réduits et assez improbables, on va dire, par rapport au déroulé de la saison, mais un abandon de Lewis Hamilton pourrait permettre effectivement à Verstappen d'être champion. Ce serait le scénario le plus probable. Alors, si Verstappen gagne et que Hamilton finit pas mieux que 6e et Verstappen 2e et Hamilton encore un peu plus loin, enfin, en fait, il faut qu'il y ait 26 points. Il faut qu'il y ait 26 points avant Abu Dhabi pour que ça colle d'avance. Ça veut dire que Verstappen doit mettre 18 points à Hamilton dans les dents pour être sacré. C'est pas impossible, hein. Voilà, il suffit juste vraiment d'un abandon. On est à Jeddah sur un circuit urbain qui peut réserver des surprises, un accident au départ. Ça, c'est vite arrivé un abandon hein, sur ce genre de circuit, donc ou une panne moteur aussi. Ça peut aussi arriver chez Mercedes. On l'a vu. Donc c'est malheureusement pas impossible que ça puisse se jouer comme ça. On le souhaite pas, évidemment. On souhaite évidemment le scénario ultime qui serait. Moi, je dirais pas tout à fait l'égalité de points parce que l'égalité de points, on aurait quand même Verstappen qui pourrait l'avoir effectivement la victoire si on restait l'égalité de points sur la fin grâce au nombre de victoires, mais peut-être c'est juste à Hamilton avec le petit point d'avance ou quelque chose histoire de voilà d'avoir cette petite égalité. On ne joue pas sur le nombre de victoires, c'est ce que tout le monde souhaite évidemment, d'avoir un dernier Grand Prix, alors même en espérant du coup que le circuit d'Abu Dhabi soit propice effectivement aussi au dépassement, parce que si les deux pilotes ne font que se suivre et ne peuvent pas se dépasser, que ça se joue uniquement à la stratégie, un arrêt au centre un peu raté, je pense qu'on sera tous déçus que le champion se joue là-dessus. Mais voilà, Verstappen peut être champion en arrivée sprint, comme Mercedes peut être champion aussi, puisque Mercedes mène au championnat constructeur de 5 points. Donc si Mercedes met 40 points dans les dents à Red Bull, donc ça veut aussi dire gros résultat de Mercedes, c'est très très très mauvais résultat de Red Bull. Mercedes peut être aussi champion du monde constructeur en arrivée saoudite. Mais bon, c'est pas impossible, mais c'est improbable. Mais rendez-vous compte quand même, la saison, là c'est quand même quelque chose je trouve qui peut quand même servir pour montrer à quel point la saison était folle, on est sur une saison de 22 Grands Prix et c'est la première fois qu'un pilote et qu'une équipe peuvent devenir champion du monde. Et ça se joue à l'avant-dernière course, c'est-à-dire qu'on a attendu le moment le plus final, puisque c'est forcément, c'est toujours logique, il y a forcément quelqu'un qui peut être champion du monde à l'avant-dernière course, c'est normal, c'est tout à fait logique. Et bah voilà, ça sera arrivé simplement là. C'est la lutte d'ailleurs la plus serrée au championnat. Il y a 8 points d'écart entre Verstappen et Hamilton. C'est la lutte la plus serrée depuis 2010, depuis le nouveau système de points. On n'est jamais arrivé avec seulement 8 points d'écart à deux courses de la fin. Donc autant vous dire que voilà, c'est serré. Après, on vous dit ça et ça se trouve, Verstappen gagne les deux dernières, Hamilton abandonne et puis Verstappen est champion avec 60 points d'avance. Mais quand même peu de chances que ça arrive, bien évidemment, et ce sera sur un tout nouveau circuit aussi. Donc là, vraiment tout nouveau. Dans les deux cas, les deux pilotes l'auront mérité ce titre. Donc, de toute façon, ah oui, là au moins il n'y a pas d'autre. Au moins il n'y aura pas de débat là-dessus. Sauf si ça termine un accident volontaire, style Senna Prost, ça effectivement sera hautement condamnable. Mais si on n'en est pas là, les deux pilotes auront mérité le titre, quoi qu'il arrive. Oui, parce que c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux plus jeunes qui nous regardent. Quand Ayrton Senna fait ça, on dit ah, c'est incroyable, machin, on lui laisse le doute. Si Max Verstappen fait ça cette année, là, il est banni sur 4 générations. C'est, Les réseaux sociaux ont sa peau. Les résultats de Jos Verstappen seront aussi éliminés de l'histoire de la Formule 1. Il n'y aura plus de Verstappen dans les fins. Débrouillez-vous. On dit toujours le Hollandais. Tous les Néerlandais dégagent. Voilà, on ne veut plus. On est terminé. Ils vont enlever les résultats de Guido van der Garde aussi. Oui, les 14e places, ils vont les enlever, c'est bien dommage. Oh. Alors, Ferrari nous demande, comment fait-on au prochain Grand Prix, ils sont ex aequo et qu'à la dernière course, c'est abandon pour les deux. Verstappen sera champion s'il finisse la saison ex aequo puisqu'il a plus de victoires qu'Hamilton. Même si Hamilton gagne les 4 dernières courses de l'année, il aura toujours plus de victoires puisqu'on était à 9-5 après le Brésil, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc maintenant, ça doit être 9-6. Donc, Hamilton ne peut pas le rattraper. Comment, Franck ? On est à 9-7, ça peut finir à 9-9. Ah, ça peut finir à 9-9, mais il y a plus de deuxième place alors. Ah, exact. C'est au deuxième place, voilà, c'est ça. Oui. Oh là là là. Et comme le dit Tommy, quand même, ouais, merci, la victoire à Spa. C'est vrai que ça va être beau parce que si Hamilton est champion, les gens diront ouais, mais tu comprends, c'est parce qu'il a volontairement craché Verstappen à Silverstone, c'est un scandale. Et si Verstappen est champion, on dira oui, mais il a gagné une course de 2 tours et demi. Je te rassure, ça pourra pas jouer au deuxième place parce que si Hamilton gagne les deux dernières courses, il est forcément champion. Puisqu'il sera forcément plus de points. Exact. Oui, bien évidemment, oui, effectivement, oui, ça sera pas, il y aura pas 9-9 effectivement niveau victoire. Ce sera assez compliqué. Dis-le, Manu. Ça promet des heures sombres au niveau modération sur les gènes auto, mais c'est vrai que c'est dommage parce que les gens trouveront toujours à redire sur l'un ou l'autre quand ils veulent vraiment critiquer, mais au final, peu importe. Oui, c'est sûr que Spa joue, mais effectivement, Silverstone c'est un 25-0 pour Hamilton. Il y a eu des erreurs de l'un, des erreurs de l'autre, et franchement, après. Venir dire que l'un ou l'autre ne mérite pas le titre, encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'accrochage façon Suzuka de 90 ou façon Adélie de 94, ma foi, moi je verrais aucun mal à ce que l'un ou l'autre soit titré. Quoi. Encore, ils nous ont fait une super saison, une saison quasiment historique. Ils ont montré ce week-end pas mal de fois la progression au championnat des deux avec leur courbe de points. Et en fait, toute la saison, pendant 20 courses, ils ont été. Il y a eu un moment où Verstappen a un peu fait le break. Mais sinon, à deux courses près, ils étaient dans la même dizaine de points. Quoi. Donc, c'est absolument fou. Et c'est vrai que c'est dommage. Ce serait dommage de sous-estimer ça juste par fanatisme de l'un ou l'autre. Et ce serait un peu. C'est vraiment sous-estimer la saison qu'ils ont fait tous les deux. Et c'est là, Manu, qu'on voit l'importance des nouveaux médias, puisque voilà, sur Next Gen Auto, si ça se termine en clash, eh bien ça sera invivable sur les forums, alors que sur Twitch, c'est très pratique, il suffit de lancer un live réaction, de mettre le chat en uniquement pour les abonnés, et puis voilà, il n'y a aucun problème, et tout va bien. Et tout est parfait, dans le meilleur des mondes. Oui, après, on peut fermer les commentaires exceptionnellement, mais ce serait dommage pour ceux qui sont contents de commenter. Ah oui, non, mais ce serait terrible. Non, il faut pas que ça se termine comme ça, cette saison qui restera dans les morts. Enfin, elle le restera de toute façon, peu importe comment ça se termine. Ouais. Mais c'est vrai que si ça se termine en plus en apothéose, ce sera complètement fou. Et on rappelle effectivement 5 points d'écart entre Mercedes et Red Bull. Ça permet de faire la transition, d'ailleurs. Comment, Franck ? Non, juste, ça permet de faire la transition. C'est qu'il y a eu plus de clash hors piste entre leurs patrons qu'entre deux en piste. Hein. Ah mais là c'est où va-t-on aller hein, parce qu'on parle d'escalade depuis à peu près 12 courses maintenant, donc là maintenant Christian Horner lui se fait sermonner par les commissaires parce qu'il commence à lâcher des trucs où il nous dit que non mais de toute façon il y a un commissaire qui voilà, a décidé de partir. C'est un voyou. Voilà, le commissaire voyou qui a décidé de partir contre la, contre la doctrine générale. Et de... enfin, ça devient littéralement l'élection présidentielle. Enfin, est-ce qu'on pourrait juste leur dire que nous, l'élection présidentielle, c'est déjà l'an prochain, donc ça va déjà être insupportable de maintenant jusqu'à mai. S'ils pouvaient éviter de commencer en avance avec la Formule 1, ça nous irait. Parce que vraiment, c'est encore un week-end qui a été particulier hein, au niveau hors-piste. C'est incroyable. En fait, on a vraiment beaucoup plus d'interactions entre eux deux qu'entre Verstappen et Hamilton, qui sont plutôt, on va dire, corrects, cool et à mesurer dans leur propos. Il y a des petits tacles, des petites piques, effectivement, mais ça reste à un niveau acceptable. Entre Horner et Wolff, ça y est, c'est fini, c'est du no filter. C'est je suis pas un lèche-cul, je suis pas tout y est passé. C'est un week-end du grand n'importe quoi. Alors plutôt du côté de Horner, effectivement, qui a un peu pété les plombs. Helmut Marko. Helmut Marko aussi ce matin qui a aussi taclé la FIA, l'a qualifié d'incompétent. Donc je pense qu'il ira aussi faire un petit tour du côté des commissaires au prochain Grand Prix. Donc il va faire un petit stage avec les commissaires, avec Christian Horner. Voilà, je pense que ça, le trio, là, comme il y a la Sainte Trinité chez Red Bull, Verstappen, Marko et Horner, ils auront fait leur petit tour en stage chez les commissaires pour voir comment ça se passe de l'autre côté de la barrière. Ils vont tous aller voir des courses de Formule 1 pour comme avait fait Verstappen à l'époque. Punition. Voilà, emmené par Lucas Di Grassi. Comment ça fonctionne? Mais, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Ça va trop loin. Que les deux se... En plus, on en parlait, je pense qu'on pourra qu'on en débat peut-être plus pendant l'intersaison, mais c'est qu'ils font aussi un tort incroyable à leur marque. La marque Red Bull, comment est-ce que la marque Red Bull peut supporter au bout d'un moment que son nom soit un petit peu sali comme ça par des déclarations qui sont vraiment très très limites, voire au-delà de la limite. Voilà, pour que la FIA, effectivement, là, Michael Massi, je pense qu'il s'est fait un plaisir de convoquer Christian Horner et de lui taper sur les doigts de manière assez gentille, on va dire. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut que les deux ils arrivent à. On sait qu'ils seront pas copains, ils l'ont dit en conférence de presse. Voilà. On va pas être de façade en guerre et par derrière être les meilleurs copains du monde, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est une vraie rivalité. Maintenant, c'est une réalité qui doit rester saine et on ne doit pas non plus lâcher tout, n'importe quoi. Donc voilà, pour la protection des marques aussi. Et même Toto Wolff, même si Toto Wolff est propriétaire en partie de l'équipe, il doit quand même faire attention à l'image de Mercedes. Et donc ça veut aussi dire des propos plus mesurés, des choses à surveiller. Voilà, donc un petit carton rouge aux deux, un peu plus rouge foncé à Horner pour son comportement ce week-end, en espérant que ça soit plus calme hors piste sur les deux derniers Grands Prix pour qu'on puisse vraiment savourer la bataille en piste. On rappelle que l'avant-dernier Grand Prix de la saison se dispute sur un circuit en ville où le principal problème seront les limites de la piste. Donc autant te dire que je suis pas sûr que ça va aller mieux du côté de Jeddah. Je tiens quand même à saluer la masterclass de Christian Horner qui dans la même phrase arrive à nous placer... J'ai un grand respect pour tout ce que Mercedes a fait et 15 secondes plus tard dire non mais j'ai pas besoin de lui embrasser les fesses non plus à Toto. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, je n'en peux plus. Ouais. Ce que j'aime bien c'est que c'est un niveau de façon maternelle, vraiment ça se tire des coups n'importe comment et c'est vraiment des propos quand même assez graves. Et puis à chaque fois que quelqu'un commence à leur dire mais oui votre relation elle est vraiment toxique, c'est non mais on se respecte, non les gars ça fait une demi-saison vous vous respectez plus. Wolff, c'est pareil, Wolff joue à la limite parce que on lui dit, quand les propos de Horner par rapport au commissaire lui étaient rapportés, il a dit « Oh, je sais pas ce qu'il a dit, je sais juste qu'il a été vilain. Enfin, » C'est vraiment des propos, mais c'est ridicule, quoi. Enfin, oh, le vilain, Christian. Oh, c'est pas bien. ça va dans les bas-fonds. Franchement, Netflix s'était délecté de la joute verbale entre Abitbull et Horner la première saison, mais là, c'est à tout autre niveau, et j'imagine, enfin, j'ose imaginer que ça aura vraiment une place importante dans la saison 4 de Drive to Survive, parce que c'est vraiment mais n'importe quoi, pour peu qu'il y ait quelques échanges dans le paddock qu'on n'a pas vu, mais qu'eux ont capté à la caméra, ça promet d'être absolument dingue. Donc, et quand on voit ça, on peut saluer le sang-froid d'Abitbull, parce que... Ah ouais. Il aurait dû la détarte. On se rend compte quand même. Hein. Mais moi, j'ai peur de Netflix, parce que, en fait, heureusement, c'est 2021 qui a été le vrai boom de la F1 grâce à Netflix, parce que imaginez, ça aurait été 2022. Voilà, donc ce serait resté encore un peu là. Et donc, les gens n'auraient pas vécu la saison 2021 comme ils la vivent actuellement. Et on serait arrivé, épisode 5 sur Netflix, voilà. Il y aurait toujours aucun mot sur Mercedes contre Red Bull. On essaierait de nous monter une espèce de rivalité entre Kimi Räikkönen et Lance Stroll. Un truc super badass, et on dire « Oh, mais tu te rends compte, t'as vu quand même Räikkönen, un jour, il a dit que Stroll, il n'avait pas grand-chose à faire avec F1, et on va dire « Mais vous n'avez pas vu Wolff et Horner ?» Tout ça, il dit « Qui ?» On est pas au courant. Quoi ? Donc là, moi, tout va bien. Il y a une vraie starisation aussi des patrons d'écurie grâce à Netflix. Donc, ouais. Et ça se sent aussi voilà, dans le traitement de l'information et de l'actualité, et aussi dans la manière dont ils sont systématiquement maintenant interrogés. On a quasiment tout le temps dans leur réaction à chaud après les courses, après les qualifications, pendant les qualifications, pendant les courses. Enfin bref, c'est très bien, ça nous apporte un autre point de vue, mais voilà, il faut... Moi, j'espère juste que ça va juste se calmer sur ces deux derniers Grands Prix pour qu'on puisse en profiter vraiment sur le plan sportif. C'est tout. J'ai pas envie qu'il y ait quelque chose de toxique qui vienne polluer la fin de championnat. Je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve que ça atteint des limites quand même vraiment un peu, enfin, un niveau un peu trop limite du moins, où finalement il y a vraiment toujours des soupçons, toujours des sous-entendus, toujours quelque chose. C'est assez, c'est vraiment polluant comme relation parce qu'au final on parle déjà beaucoup, enfin, il y a des moments où on parle beaucoup plus d'eux que des pilotes, alors que, ben, encore une fois, ils sont gentils, ils veulent faire honneur, mais même si c'est les chefs d'orchestre, c'est pas eux qui performent en piste. Et puis effectivement, ils créent un espèce de climat justement délétère autour d'une lutte qui l'est pas, et encore une fois les pilotes pour le coup eux montrent un vrai respect l'un envers l'autre. C'est vrai qu'il y a eu des petites tensions, des choses comme ça, mais jamais on a vu des conférences de presse ou des cool rooms, enfin des après-courses, parce que maintenant il n'y a plus de cool rooms, mais comme on pouvait voir entre Hamilton et Rosberg ou même avant entre d'autres pilotes. Donc c'est dommage d'en arriver là avec des gens qui sont finalement extérieurs à la lutte en piste, parce que même si c'est les gens les plus près des pilotes, ça reste quand même des gens extérieurs à cette lutte qui s'emploie en fait chaque semaine à pas forcément gâcher le spectacle, mais en tout cas à l'entacher. Et ouais, vu leur escalade, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont nous réserver pour le bouquet final des deux dernières courses, quoi. À voir effectivement ce qui se passera. Je sais même pas si on peut dire qu'on a vraiment hâte. Mais déjà, bon, une bonne nouvelle, il n'y a pas de F1 ce week-end. Ah non, vous allez me dire, bah, c'est pas une bonne nouvelle. Si, on vient d'avoir trois grands prix chargés. Prenons une petite semaine, voilà, pour nous remettre de nos émotions, et après, eh ben, il y aura les deux dernières courses de la saison qui, à mon avis, vont réserver encore une fois leur lot de surprises, de débats en piste, hors piste. Enfin voilà, ça va être encore une fois, à mon avis, assez incroyable. Quid de l'aileron arrière de Mercedes, quid de l'aileron arrière de Red Bull, parce que maintenant l'aileron arrière de Red Bull, il fait coucou en ligne droite, mais bon, voilà, ça devient aussi quelque chose d'assez incroyable. Enfin, voilà. Mercedes. Normalement, l'histoire de l'aileron est classée, hein, puisque oui, c'est facile, le nouveau test souhaité par Red Bull qu'ils ont réussi à avoir grâce à un dossier hyper bien monté, l'aileron de Mercedes l'a passé haut la main. Donc, ils ont même été plus loin que les 70-80 kg. Je crois qu'ils ont tiré l'aile inférieure de l'aileron arrière à presque 150 kg et ça n'a pas bougé d'un millimètre. Donc, autant dire qu'à mon avis, alors juste pour un petit aparté là-dessus, c'est que 150 kg c'est rien pour ces ailerons-là. Ouais. À 250 km/h, quand ça commence à bouger, c'est des charges de 600 à 700 kg. Il faudrait imaginer plutôt une machine qui serait capable de foutre 700 kg sur un aileron arrière. C'est pas demain la veille que la FIA va se trimballer avec un truc qui ne doit pas peser 2 tonnes et appliquer une charge de 600 kg ou une presse hydraulique, je sais pas. Pour les tasser, les ailerons. 3 Boeing 747 sont nécessaires pour la transporter. Enfin, pas le bilan carbone serait pas top. Mais voilà, donc rien à signaler normalement de ce côté-là, donc en espérant qu'au moins cette polémique-là soit enterrée pour les dernières courses. Idem. On l'espère. Normalement, ça devrait être bon. Sobriété délicate, tiens, qui nous demande dans le chat. Et oui, Flavio revient. Et oui, Flavio revient. Ah, tu n'as pas vu la superbe vidéo Big Power, Big Formula. Ah, t'as pas vu ça. Va sur l'Instagram de ce cher Flavio. Non, il revient. Enfin, en tout cas, il revient. Ce sera dans un en rôle. Coulisses. Voilà, ce sera dans un rôle en coulisses. On ne devrait pas le voir. Voilà, ce sera plutôt pour gérer un peu les VIP, pour gérer les activations autour de la F1 et de F1 Experience. Parce qu'à mon avis, ils ont dû se dire, ils ont dû voir le truc arriver. Ils ont dit, bah, attendez, on est en train de se faire des revenus gigantesques là. Faut trouver quelqu'un pour les gérer. ils ont pris Flavio Briatore. Écoutez, voilà, on verra ce qui se passera de ce côté-là. Mais ça ne devrait pas impacter véritablement la lecture qu'on aura, nous, de la Formula. Parce que là, n'en jetez plus, s'il vous plaît. Si en plus, on rajoute Flavio Briatore qui met en scène le truc, c'est plus possible. Mais ouais, non, juste pour la fin de saison, justement, et pour dériver sur notre dernier sujet, c'est que j'espère quand même que les décisions de la FIA vont être bien plus efficaces et rapides pour les derniers week-ends de la saison, parce que ce serait dommage, en fait, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils rajoutent un soupçon de complotisme derrière tout ça quand ils ne prennent pas de décision rapide, parce qu'on se demande, en fait, est-ce qu'ils sont en train d'avoir peur de prendre une décision, est-ce qu'ils essayent de faire un truc qui soit dans un intérêt sportif, mais du coup qui soit pas forcément dans l'intérêt du respect du règlement. Et au final, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, mais le fait de déclencher une enquête après 3 heures, enfin 3 heures après les qualifs, et de la régler le lendemain matin parce que finalement plus personne n'est sur le circuit, c'est pas normal. Et là, ça fait 2 week-ends de suite. Alors le week-end dernier, il y avait encore la circonstance atténuante du fait que Verstappen avait touché l'aileron d'Hamilton et que Mercedes avait fait une réclamation qui devait être traitée le lendemain. Mais là, ce week-end, il y a vraiment aucune excuse au fait que finalement ils nous pondent la grille 3/4 d'heure avant la date limite, qui est 1 heure avant le départ, quoi. Enfin, c'est aberrant, et j'espère qu'ils vont être un peu plus réactifs et qu'ils vont être un peu plus travailleurs, en fait, tout simplement, sur les dernières courses, pour justement, s'il y a un litige, des drapeaux jaunes, des choses comme ça, vérifier les mini-secteurs, vérifier les vidéos, vérifier qui a fait quoi, rechoper les données pour tout vérifier, et qu'il n'y ait pas de doute, quoi, pas de on lance une enquête le dimanche matin ou je sais pas quoi, parce que ça, ce serait le pire, en fait. Mais ça, Manu, je crois que ce qui s'est passé ce week-end, c'est la preuve que le monde d'avant est bien revenu, en fait, par rapport à la pandémie. Parce que, on va pas se le cacher, normalement, le seul truc positif qui est sorti de toute la pandémie, c'est ce côté, on sait maintenant faire des réunions à distance, on peut gérer de manière beaucoup plus dématérialisée un peu tout. Et là, bon, y a plus personne au circuit, donc on fait un truc le lendemain. Qu'est-ce qui leur empêchait d'envoyer un petit un zoom à Red Bull, à Mercedes, voilà, tu fais ça à distance, autour d'une coupe de bœuf au resto, ou je sais pas. Voilà, mais... C'est qu'on arrivait à l'heure du couvre-feu, et j'imagine que les équipes ont le droit de refuser après. Oui, c'est possible. 3 heures après, non, t'avais encore de la marge. Ouais. Je pense qu'ils ont, en fait, ils ont dû réagir aussi par rapport à la critique qui avait été faite l'autre fois. Ils disaient, on attend, il n'y a pas de décision. Là, au moins, ils ont dit, bon, les gars, ça sera demain. Allez vous coucher, faites ce que vous voulez, n'avez pas à attendre ce soir devant votre PC que la décision elle tombe. On se réunit demain. Et je pense aussi, pour aussi un peu remettre un peu de créer tout ça, c'est qu'il y avait aussi un problème, c'est qu'effectivement, il y a à la fois l'électronique dans les voitures et les drapeaux jaunes à l'extérieur, et il y avait un des deux systèmes qui n'était pas aussi réactif que l'autre à ces mini-secteurs-là. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu de débat là aussi, comme dit quel team principal disait ça. C'est effectivement, il y a parfois une décorrélation entre les drapeaux jaunes sur la piste et ce que le pilote peut voir sur son volant. Et normalement, c'est quand même le drapeau jaune à l'extérieur qui prime sur tout le reste. Mais les pilotes sont tellement concentrés aujourd'hui, à l'ère du numérique, à être focalisés sur les drapeaux sur leur volant, qu'il faudrait peut-être que la FIA décide que si jamais sur le volant ça ne fonctionne pas, et ben ils soient dédouanés. Quoi. Parce que, au bout d'un moment, il faut que le système fonctionne aussi. Quoi. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit, entre guillemets, souci avec le Qatar, notamment. Précisément, c'est que le Qatar, vous avez vu les dégagements qui sont gigantesques. Mm. Bah, t'as quand même certains endroits, alors je pense pas nécessairement aux anniversaires, mais t'as certains endroits aussi où les drapeaux sont très loin de la piste. Et même avec le panneau lumineux, c'est pas forcément simple, c'est pas dans le champ de vision. Donc peut-être que voilà, c'est un peu plus complexe pour les pilotes, mais à part... Ce que je trouve quand même gênant, effectivement, c'est tout le temps que ça a pris pour déclencher une enquête, sachant que Gasly était arrêté devant la ligne des stands. Enfin, il était arrêté dans la dernière ligne droite. À partir du moment où Verstappen améliore son tour, ça aurait dû déclencher une enquête automatique, en fait. Et je trouve que pour quelque chose comme ça aussi, ils prennent trop de temps. Il y a quand même 1h30 entre la dernière audience et la décision. Enfin, pour moi, c'est colossal. On a l'impression qu'ils sont un peu... Alors, pas peut-être qu'ils sont aussi au bout du rouleau, mais... On a l'impression qu'ils sont vite tétanisés dans les décisions, quoi. Ah ben, ils sont pas censés être au bout du rouleau, en plus, Manu, puisque c'est un collège de commissaires qui tourne. C'est vrai. Donc, ils ont fait au maximum 7 courses dans l'année, peut-être. Donc, et encore, c'est des commissaires locaux, en fait, et c'est juste les commissaires pilotes qui font plusieurs courses. Donc, peut-être que... eux, ils ont même pas cette excuse, en fait, ça qui est dommage. On y reviendra, je pense, peut-être dans le Grand Prix de la semaine prochaine. Mais effectivement, en plus, la FIA a dit, maintenant, c'est clair, on n'aura pas de commissaire à l'année. C'est différents commissaires, attendez-vous à différentes décisions. C'est de la subjectivité pure. Pour tous ceux qui ont critiqué effectivement les décisions qui ont été prises par rapport à l'Autriche, par exemple pour Norris et Perez, et la décision qui a été prise en Interlagos entre Hamilton et Verstappen, on leur a expliqué clairement au briefing des pilotes, ça a duré très longtemps, que il y a différents commissaires, il y aura différentes décisions pour différentes circonstances. Et c'est comme ça. Et ça sera à chaque fois. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait une règle unique à appliquer tout le temps. Et mais c'est grave quand tu as un règlement qui est si précis et si complet, quoi. C'est ça. Et autant en football, oui, l'arbitre change tout le temps aussi, mais enfin, bon, l'arbitre, il ne peut pas non plus arbitrer 400 matchs dans le week-end, c'est un peu compliqué, donc c'est normal que les arbitres soient différents. Mais enfin, là, les arbitres, ils peuvent être les mêmes quand même, à chaque compris, je veux dire. Mais bon, la FIA a décidé que non. Pourquoi pas, hein, c'est bien. Mais ah non, il faut les payer à l'année, tu te rends compte. Il faut les défrayer, il faut leur payer l'hôtel, le restaurant, ouais, leur faire un salaire. Ah, et puis, imagine, il faudrait augmenter le nombre de poules, il faudrait augmenter les droits d'inscription pour les équipes. On passe à 300 millions de garanties maintenant, parce que vous comprenez, moi j'ai un Airbnb à payer à Emmanuel Piro à l'année, bon, hein, j'ai pas que ça à faire. Donc... C'est pas un Airbnb lui qui doit prendre, c'est un Hilton plutôt, à mon avis. Ouais, je pense. ce serait génial, ça, qu'en fait on apprend avec la FIA, non, mais il loge dans des petits campaniles tout à fait comme vous savez, on essaie de limiter. Un galop. Un hôtel Formule 1 peut-être. Ah oui, l'hôtel Formule 1. Quand ils vont les racheter, parce que, enfin, ou les racheter ou leur attenter une action en justice, parce qu'il y a F1 dans le monde, ça c'est à voir. Mais non, il va falloir quand même que ça change un petit peu au niveau de la FIA un jour, parce que bon Dieu, c'est ça va changer. Une nouvelle élection qui arrive. Oui. Ouais, mais après, voilà, ça dépend comment le prochain président de la FIA aussi va gérer la Formule 1, parce que c'est vrai que j'avais lu un avis d'ailleurs qui était assez intéressant sur Twitter, qui disait qu'on est passé de l'ère quand même hyper interventionniste au niveau de la F1 avec Jean-Marie Balestre et Max Mosley, où on les voyait tout le temps, partout, à Jean Todt qu'on voit de temps en temps sur les week-ends, mais qui voilà, n'est pas... Enfin, lui, il a pris, je pense, Jean Todt, il a aussi pris le rôle plus de président de la Fédération internationale de l'automobile à bras-le-corps, et il fait vraiment beaucoup pour l'automobile de série, pour la sécurité routière, alors que Mosley et Balestre étaient plus présidents du sport auto, quoi. Donc, faudra voir. C'était la FISA, d'ailleurs, à l'époque. C'est vrai, c'était effectivement la Fédération internationale du sport automobile, à la base, quand Balestre était président. Et puis, à un moment, ils ont dit, allez, on va tout fusionner, puis comme ça, le président, il va faire 50 milliards de choses, et puis, finalement, Max Mosley parlait toutes les semaines de Formule 1. Il n'y avait que ça qui existait. Et ici, Jean-Todt a quand même essayé de faire un petit peu plus large. On verra, bien sûr. C'est vrai que c'est justement fin d'année, hein, je crois, l'élection du président de la FIA. Oui. Ouais, on a essayé de mettre des drapeaux jaunes sur les routes de monsieur tout le monde, mais ça ne marchait pas pour prévenir les accidents. D'ailleurs, je vais vous laisser. C'est la fin de l'émission. Moi, parce que je suis convoqué par les commissaires par les commissaires de route. Donc voilà, la décision devrait être prise dans 7 jours à peu près. et soit Matin Liquette le 17 décembre, l'élection du président. Ah, bah juste après. Maintenant, la vraie question. La FIA aura-t-elle un nouveau président avant ou après qu'on ait connu le nom du champion du monde de Formule 1. Est-ce que le perdant de l'élection du président peut faire appel au commissaire pour justement revoir le vote pour être élu sur tapis vert? Oui, s'il y a des nouveaux éléments significatifs au dossier, il peut effectivement demander la révision. Et pendant ce temps, c'est Jean-Todt qui restera président de l'FIA, voilà, qui profitera de tout ça. Non, mais voilà, c'est toujours, c'est un peu le souci. Et je pense qu'au-delà du fait qu'on espère que ce ne seront pas les team principals qui vont tirer la couverture à eux sur les deux dernières courses, on aimerait aussi que ce ne soit pas l'arbitre, que ce ne soit pas la FIA qui soit au centre du jeu, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, il faudrait qu'il soit au top du top pour ces deux dernières courses, parce que c'est quand même un championnat du monde extrêmement important cette année, parce que c'est la saison où la F1 devient vraiment un sport global encore plus qu'elle ne l'était par le passé. Il y avait aussi une étude récente d'ailleurs qui montre que l'âge moyen du fan de Formule 1 est de 32 ans, ce qui est incroyable, hein, parce que rendez-vous compte, sur tous les sports américains évidemment c'est dans la cinquantaine, enfin le sport c'est un truc entre guillemets de personnes un peu plus âgées. Ici c'est un sport de jeunes, la F1, et ça c'est très rare. Et même, je pense que même si on prend le football, l'âge moyen doit être plus élevé, donc c'est important, et c'est un championnat qui va un petit peu montrer la voie vers la suite. Imaginez si tous ces nouveaux fans commencent à dire non mais attends, c'est insupportable parce que la FIA c'est pas prendre une décision, les deux là, tic et tac en conférence de presse, je n'en peux plus, enfin voilà, c'est aussi des choses qui pourraient faire que les gens ne souhaitent pas revenir. pour en finir justement avec la FIA, c'est un peu le problème. Enfin, on faisait la comparaison tout à l'heure, l'analogie avec le foot, c'est que on dit oui, l'arbitre n'est pas toujours le même, d'accord, ok, mais il y a une constante dans le foot, c'est qu'on essaie de prendre les meilleurs arbitres pour les grands matchs. Et là, en fait, on arrive sur les deux, concrètement à la demi-finale finale, équivalent de ça en F1, avec vraiment les courses les plus importantes de l'année. Il va falloir que vraiment les commissaires soient au meilleur niveau possible, qu'ils soient réactifs, qu'ils prennent tous les paramètres de chaque chose qui se passera. Pour vraiment donner le meilleur de ce qu'ils peuvent, parce qu'il y aura vraiment besoin que l'arbitre soit à la hauteur du match, tout simplement. Et avec la saison qu'on est en train de vivre, pitié que ça ne se finisse pas. Il y a deux trucs que je crains, c'est l'accrochage, mais ce que je crains encore plus qu'un accrochage, pitié que ça ne se finisse pas sur une mauvaise décision des commissaires, c'est tout ce qu'on demande, parce que si vraiment on en arrive là, pour une raison ou pour une autre, parce que cette année ils ont déjà été un peu douteux une ou deux fois, ce sera une catastrophe, alors que les deux pilotes en particulier nous ont offert une saison qui est vraiment complètement dingue et qui est vraiment une des plus belles depuis les 20 ou 30 ans. Donc, espérons vraiment qu'ils seront à la hauteur et que ça ne se jouera pas sur tapis vert ou que ça ne se jouera pas dans les bureaux de la FIA. Je suis d'accord avec toi, Manu. Maintenant, comment est-ce que tu définis quel est le bon commissaire sportif pour la F1 et qui ont été les meilleurs? Pendant un bout de temps, on a encensé Emmanuel Epiro, puis finalement, il s'est fait démonter après le Canada quand il a mis 5 secondes à Vettel, au point qu'il a même eu des menaces de mort. Voilà, qu'est-ce qui te fera dire que c'est lui le meilleur commissaire pour juger? Au-delà du choix, c'est surtout le fait de leur dire vous êtes là, impliquez-vous, parce que moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté un peu dilettante chez les commissaires. Alors j'imagine que c'est pas forcément le cas, mais en tout cas c'est l'image que ça donne quand ils mettent 3 plombes à prendre des décisions. Et là on aura juste besoin que ceux qui sont là soient là vraiment de manière, et pourquoi pas soit voilà, ils ont déjà fait avoir 2 commissaires pilotes, et ben peut-être avoir 2 pilotes, comme ça avoir 2 points de vue qui s'opposent, avoir un pilote qui est plutôt interventionniste, l'autre qui est plutôt un peu laxiste. Pour juste un Hollandais et un Anglais. Hein? Ah oui, un Hollandais. Ouais, c'est ça. Au hasard, Jos Verstappen et. Parce qu'on n'a pas un Anglais qui ne peut pas piffer Hamilton. Et Damon Hill. Non, mais si tu veux, Franck, c'est pas. Non, mais si tu veux, Franck. Non, mais si tu veux... Bon, t'as le bon commissaire. Ah, il va prendre une décision, tu vois, c'est bien. Et le mauvais commissaire, tu vois, il est là, il prend une décision, mais c'est pas pareil. C'est un mauvais commissaire. Elle est là, la différence. Ça fera pas tous les C'est toute leur manière d'aborder les courses qui vont être importantes. Non, déjà, le fait d'avoir le même panel de commissaires sur toute l'année pour au moins garantir à peu près la constance de la réflexion, peut-être pas la constance de la décision, mais au moins la constance de la réflexion derrière une pénalité à donner, ce serait déjà un bon pas en avant. Et il y aurait une rapidité. Parce qu'au bout de 5, 6, 7 courses, bah, ils auraient leurs automatismes. Ils connaissent directement. Ils partiraient, en fait, tu aurais l'incident, et ils partiraient tous les 3 ou 4 en sachant un peu comment l'autre va réagir. Enfin, voilà, ils partiraient déjà, donc ça irait peut-être un peu plus vite. C'est peut-être aussi une possibilité. Mais bon, c'est visiblement pas à l'ordre du jour. Donc voilà, c'est trop tard pour se présenter à l'élection de... Président de la FIA, c'est mon seul point, hein. J'ai que ça moi, dans mon programme. Mais... Surtout, on éviterait des situations où en fait ils jugent un événement sans prendre les précédents en compte. Parce que là, tu as l'impression que les pilotes qui sont là le jour J pour juger un truc, ils se rappellent pas que quand il y a eu le même incident, on a pris telle ou telle décision. Et au final, c'est pour ça qu'il n'y a jamais la même chose. On ouvre une enquête sur Hamilton parce qu'il a dégrafé son harnais dans le tour de formation, d'honneur, mais pas pour Russell qui l'a fait en course. Encore une fois, c'est tout ce qu'on a dit la semaine dernière. En fait, tout plein de choses qui sont les mêmes actions et qui ne sont pas jugées pareilles juste parce que les commissaires n'ont pas conscience des précédents. Et je crois que c'est vraiment un des plus gros problèmes de ne pas avoir un bureau fixe. C'est justement qu'il n'y a pas cette conscience. C'est peut-être la volonté aussi, Manu. C'est que justement avoir des commissaires qui viennent avec le moins de... Enfin, pour que chaque cas soit jugé, peut-être qu'ils veulent en fait que chaque cas soit jugé vraiment de A à Z sans les idées préconçues qui arrivent. Voilà, c'est peut-être un peu... C'est possible, hein. Un peu compliqué. Mais en même temps, on dit ça, mais en même temps, à une époque, Romain Grosjean, on le pénalisait, enfin, on le bannissait d'un Grand Prix pour l'ensemble de son œuvre et pas uniquement pour l'accident. Enfin, oui, c'est, voilà, c'est tout. Sinon, fais le vote des fans, hein, vote en direct. Hein. Ouais, mais alors, tu bévarses un peu dans le lot quand même, hein, donc là, je suis pas. moi, j'ai peur. Hein. Il y a le pénalité boost. Pénalité boost. Le défense mode. Non, mais, dans le chat, on dit quand même Mansell et Maldonado en commissaire de piste et Di Grassi en président de la FIA. Aïe, aïe, aïe. On voit des choses horribles. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait quand même rester avec ce qu'on a actuellement, avec Roberto Moreno qui vient faire une pige au commissaire? Je préfère largement ça. Bah, au moins, si vous mettez Maldonado, vous êtes sûr que là, il y aura du LEDM Race. Hein, là, moi, je verrais bien un collège de gens style Jackie Stewart, Jackie X, des gens hyper expérimentés qui ont vécu pas mal de choses. Pour contrebalancer un peu la jeunesse de certains, voilà. Jackie X, lui, il a déjà dit que c'était Let's Them Race à fond. Donc, oui, il a fait une petite déclaration ce week-end. Il a dit, ouais, ce week-end, à la télévision belge, effectivement, il était là à dire que lui, il n'est pas... Il n'est pas ravi justement avec le fait que les commissaires prennent des décisions, enfin voilà, empêchent les pilotes de se dépasser, tout ça. Bon, moi je suis là. Mais ce serait open bar. Ce serait... C'est bon, écoutez, voilà, il n'a pas abandonné, c'est bon. Gaëtan Vigneron ne veut pas de commissaire. Non, écoute, ensuite, non, qu'il reste commentateur, il fait. D'ailleurs, je vous préviens parce que, en fait, je me dis que beaucoup découvrent aussi Gaëtan Vigneron cette année grâce à FATV, parce que beaucoup viennent. Je tiens juste à vous prévenir, si vous trouvez que Gaëtan Vigneron a pété un câble quand Max Verstappen a fait son arrêt sous Virtual Safety Car ce week-end, ce n'est qu'un début. Vous n'avez pas, connu Gaëtan Vigneron quand un titre se joue. Ceux qui ont connu le Brésil en 2008, je peux vous dire que là on n'est qu'à 15%, mais si ça se joue dans les derniers tours à Abu Dhabi, il peut exploser réellement, c'est-à-dire qu'il peut littéralement faire pouf, à un moment on n'entend plus rien, donc vraiment ça peut être tout à fait Est-ce que Timo Glock est prévu sur cette dernière course ou pas? En tant que commissaire pilote extraordinaire, là bah, je dis c'est validé. Exode, tu lui racontes tout, non mais vraiment je pense que vous pouvez retrouver ça doit être sur Dailymotion. Vous avez les derniers tours de Brésil 2008 avec Gaëtan Vigneron. J'ai réellement cru ce jour-là qu'il faisait une crise cardiaque en direct. J'ai vraiment cru. C'est-à-dire que vous entendez sa voix, il est c'est hallucinant, c'est invraisemblable. Il est décédé. Il n'y a plus rien. Attends, faut dire déjà, qu'on était à peu près tous pareils. Déjà, hier après-midi, il y avait genre 20 secondes d'écart. Il y a Verstappen qui s'arrête. Il a cru qu'il jouait la course alors qu'en fait, ça l'a repoussé à plus de 30 secondes. Et il a pété un boulon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup de poker. Invraisemblable. Je dis, Gaëtan, c'était. Non, le pauvre Gaëtan, on l'aime beaucoup ici quand même. Mais hier, il faut l'admettre, c'était un grand prix compliqué pour lui. Mais je pense qu'il y a aussi la fatigue de la fin de saison qui arrive. C'est un peu compliqué. Et lui, ça fait 23 courses, dont une quinzaine commentées tout seul. Hein. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il est toujours tout seul. Ouais, c'est pour ça. Hein. Et oui, parce que c'est ça, il est rincé. Faut pas oublier, c'est qu'il fait toutes les séances tout seul, par contre. Parce qu'il n'y a qu'en course qu'il a un consultant. Et une sur trois. Quand il en a un de temps en temps. Mais sinon. Il refuse c'est... tous. Heureusement pour lui, il a eu Van Dorn à Spa parce que s'il avait dû tenir 4 heures tout seul à ne pas commenter de course, je pense qu'on l'aurait perdu. Je vous fais un petit cadeau dans le chat Twitch, voilà, je vous ai retrouvé. Alors, la qualité est à peu près 12p, hein, c'est même pas du 144, il n'y a rien. Vous reconnaissez à peine les gens sur l'image, mais vous avez Gaëtan Vigneron qui vous commente l'arrivée du Grand Prix du Brésil 2008, vous allez voir, c'est une merveille absolue. En tout cas, on souhaite d'avoir la même chose. Ce sera moins la météo, je pense, qui jouerait. Et encore que cette saison était tellement folle. Tempête de sable. Ce serait. Je pense qu'on le souhaite évidemment une belle fin de saison. Mais rassurez-vous, on sera quand même là la semaine prochaine pour vous parler de F1. On pourra parler de sujets et les aborder peut-être un petit peu plus longuement dans l'émission de la semaine prochaine. Attention, la semaine prochaine, on se retrouve mercredi. Oui, désolé, mais là, voilà, le travail fait que actuellement, vous allez trouver, mais nos émissions actuelles, qui sont donc le Grand Prix et Racing Café, elles vont passer partout. Hein, on va les mettre un peu n'importe comment, mais donc la semaine prochaine, on se retrouve mercredi à 20h30 pour Grand Prix. Et si vous voulez encore une petite dose de Formule 1 et également de rallye, parce que ce week-end, Sébastien Ogier et Julien Gracia sont devenus champions du monde avec Toyota, vous retrouvez le Racing Café vendredi. Parce qu'on ne peut pas faire plus tôt. Donc ce sera vendredi à 20h45 qu'on se retrouvera, bien évidemment. Merci beaucoup Manu, merci Franck, merci Paul. Merci à tous. Je vous paye les heures sup. Hein, très clairement. On a un petit peu débordé ce soir. On se retrouve évidemment très vite. Merci beaucoup le chat, merci parce que vous avez été très nombreux. Et merci beaucoup de votre fidélité. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.